Amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, Radio Grimoso, ex-Radio Trait d'Union. Radio Trait d'Union, c'était bien aussi, hein, il y a 40 ans. Radio Trait d'Union. ça disait ce que ça voulait dire, hein. Ben oui, une radio qui sert de trait d'union entre les auditeurs et les animateurs. Les animateurs sont auditeurs, les auditeurs peuvent devenir animateurs, etc. Voilà. C'était bien. C'était le bon temps. On était jeunes. On y croyait. Depuis, il est passé des Hollande, des Poutine, des Macron, des des Sarkozy, etc. Alors, le programme de ce soir, de ce calendrier des esclavages et des libérations. Eh bien, par exemple, le 1er mars, la guerre en Ukraine. Bon, d'abord le calendrier, bien sûr, mais ensuite le 1er mars, la guerre en Ukraine. Le 2 mars, le 1er mars, c'est le jour de l'enregistrement de ce que je passe tout à l'heure. Ensuite, BFM, Mélenchon, Ukraine face à la menace nucléaire. Ensuite, Adrien Quatennens, Jean-Luc Mélenchon veut construire la paix. Construire la paix, c'est ça qui est important dans le monde entier. Et en Europe en particulier, puisque l'Europe, c'est, hein, on est directement concerné, mais partout où il y a un commencement de guerre, ça peut déraper et ça peut devenir une guerre mondiale assez facilement, hein, sans que les auteurs l'aient voulu au départ. Hein, on se fait entraîner, puis on commet des actes qui poussent à aller plus l'adversaire à aller un peu plus loin, et puis à un moment donné, ben on ne peut plus arrêter. Le processus est lancé, et voilà. Et la Troisième Guerre mondiale est en route. Alors, ensuite, bien, musique, bon, bien sûr, hein. Ensuite, l'affiche rouge et propagande nazie. Jean-Luc Mélenchon, construire le camp de la paix contre les va-t-en-guerre. une petite revue de presse, et puis on sera arrivé assez tard, l'émission se terminera, voilà. Bonsoir. Mon oncle Célestin vendait des trompes d'auto juste en face du boulanger voisin. Moi, le dimanche matin, je me levais très tôt pour aller jouer au magasin. Là, j'appuyais sur toutes les poires et ça faisait un peu de rafus, je vous prie de le croire. Je faisais marcher tous les grelots et tous les timbres et les klaxons, que c'était beau. Oh, jeudi après-midi, comme on avait congé, j'allais voir le maréchal Forger. Avec tous les amis, on écoutait le marteau qui tapait sur les sabots des chevaux. Soufflait, sifflait, pshhh, marteau cognait, le feu ronflait, nous on riait, le patron jurait. Bonjour, bonjour. Le cheval braillait, comme il chantait Santa Lucia, tous ensemble on s'y mettait, c'était parfait, oh là là. Sur la place du village. Et moi, ce que je préférais, c'est le tir au pistolet. J'étais sage, alors papa me le ferait. Oui, tir au pigeon sur un carton. Petite auto, grand serpent de mer, et mille tontontontontontaine, le travers venant. Ouh, la femme s'attend. Et les manèges qui tournent, tournent, tournent. Que j'adore, à la nuit, je m'en vais devant ses volets. Alors, j'y lance un petit caillou, il me rejoint devant chez nous et on file se cacher dans les blés. Là, il m'embrasse, oh, que c'est bon, et il m'enlace, ah, pas si fort. Il me délace, il me concasse, il me fricasse, ah, pas comme ça, je suis sa bécasse. Enlève ta main, et le temps passe, oh, grand sournois, c'est mon Pierrot, je suis un Susan, c'est ça qui est bon, oh. Parce que c'est bon. Ah, c'est très bon, tiens. En fait, c'est pas mauvais du tout, ça. Le calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé le 14 mars ? Eh bien, il s'est passé des tas de choses, bien sûr. Le 14 mars 1497, par exemple, en France, le nouveau lieutenant général de police d'Argenson vient signifier aux comédiens italiens la fermeture de leur théâtre et leur expulsion, car ils sont trop libres sur leur théâtre. Ils sont trop libres sur leur théâtre. En 1697, on trouvait des gens qui étaient trop libres. Vous vous rendez compte un peu ? 1848, Italie. La Constitution est proclamée à Rome. Le mouvement révolutionnaire s'étend à toute l'Italie. C'est l'expression italienne de ce printemps des peuples de 1848 où se mêlent le libéralisme, les poussées nationales et les revendications sociales. Et oui, ils étaient en avance, les Italiens, hein, 1848. Et oui, mais depuis, les choses ont changé par moment, pour certains, parfois. 1872, France, vote d'une loi punissant l'affiliation à l'international de peines diverses. Amende, prison, privation des droits civiques et politiques. Après la Commune, le pouvoir cherche à empêcher la reconstitution du mouvement ouvrier. rien à voir avec la situation actuelle, hein. C'était en 1872, hein. Donc c'est du passé lointain, hein. On ne rejoue pas les... Bon. 1883, Grande-Bretagne, mort de Karl Marx. Il sera enterré le 17 mars. Devant une modeste assistance, Engels prononce l'éloge funèbre. Deux points, ouvrons les guillemets, Karl Marx est mort. Honoré, aimé et révéré par des milliers de collaborateurs révolutionnaires des usines de Sibérie jusqu'en Californie. Son nom vivra dans la suite des siècles, son œuvre aussi. Point final, fermons les guillemets. 1894, France. Dans le peignage Alfred Mott et compagnie à Roubaix, on ramasse un petit cadavre, le 53e en une année. Alphonse Lénisson n'avait que 12 ans et 8 mois. Alphonse Lénisson n'avait que 12 ans et 8 mois. Il travaillait depuis plus d'un an, alors que la loi exige 13 ans révolus pour l'entrée au travail. Mais j'ai encore connu des gens qui avaient commencé à travailler avant 13 ans. Oui, oui. 1916, Mexique. La Confédération des travailleurs de la région de Mexico accepte comme principe fondamental de l'organisation ouvrière la lutte des classes et comme finalité suprême la socialisation des biens de production. Oh là là là là là là là là! Oh là là! 1936, Espagne. La Falange, groupement paramilitaire fasciste, est interdite et ses chefs sont arrêtés. 1937, Vatican. Encyclique de Pie XI. Mitbrennender-Sorge. Alors, Mitbrennender-Sorge, j'en étais là. Avec un souci brûlant contre le fascisme. La diffusion est interdite en Allemagne. Ah oui, le pape avait le droit de se faire entendre partout, sauf dans l'Allemagne fasciste. 1894, France. Dans le peignage Alfred Mott et compagnie à Roubaix. Mott, M-O-T-H-E. On ramasse un petit cadavre. Le 53e en une année. Alphonse Lénisson n'avait que 12 ans et 8 mois. Il travaillait depuis plus d'un an, alors que la loi exige 13 ans révolus pour l'entrée au travail. Voilà le patronat. Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'était. Voilà ce que ça sera. 1916, Mexique. La Confédération des travailleurs de la région de Mexico accepte comme principe fondamental de l'organisation ouvrière la lutte des classes et comme finalité suprême la socialisation des biens de production. 1936, Espagne. La Falange, groupement paramilitaire fasciste, est interdite et ses chefs sont arrêtés. 1937, Vatican. Encyclique de Pie XI. Mitbrennender-Sorge. Eh oui, il parlait allemand, ce pape-là. Hein? Mitbrennender-Sorge. Avec un souci brûlant. Contre le fascisme. La diffusion est interdite en Allemagne. Eh oui. 1943, Italie, à Turin. Dans la nuit, malgré la guerre, des manifestes signés Comité ouvrier sont distribués. Ils revendiquent la libération des camarades arrêtés et le droit d'avoir de véritables représentants. Vous voyez, il y avait des antifascistes en Italie en 1943. 1949, USA, début d'une grève de 15 jours de 425 000 ouvriers pour les salaires. 1952, Italie, l'entreprise Fiat offre 2000 lire aux ouvriers qui ne participent pas à la grève. Il y en a qui sont laissés acheter. 1954, Japon, c'est dimanche. Après 45 jours de mer, le Dragon porte-bonheur, c'est le nom du bateau, rentre à son port d'attache à Yaesu, au Japon. Tout le pays a les yeux fixés sur ses 23 marins irradiés par l'explosion de Bikini. Ils vont être hospitalisés et mourront l'un après l'autre. Bravo, les United States of America. 1905, comme on dit sur les radios libres, ou qu'on cause un peu l'anglais. 1958, Espagne. Dans les Asturies, 15 000 ouvriers sont en grève par solidarité avec des camarades renvoyés au début du mois. Le gouvernement déclare l'état d'exception pour une durée de 4 mois. 1983, Chili. Plusieurs partis politiques appellent au rétablissement de la démocratie. Que se passe-t-il ? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville et il n'y a plus rien. Je me souviens que je marchais dans une rue au milieu de la cohue sous un joyeux soleil de mai. C'était plein de couleurs, de mouvements et de bruit. Une fille m'a souri et je me souviens que je la suivais. Je la suivais sous le joyeux soleil de mai. Chemin faisant, j'imaginais un mot gentil pour l'aborder. Et puis voici que dans le ciel bleu de midi, de plus en plus fort j'entendis, comme arrivant de l'infini, ce drôle de bruit. Ce drôle de bruit, je me souviens que les gens s'arrêtèrent de marcher et d'un air étonné, tout le monde a levé le nez vers le ciel angélique, couleur de paradis, d'où sortait cette musique comme accordée sur l'infini. C'était étrange, est-ce qu'il allait neiger des anges? Les gens guettaient dans un mélange d'inquiétude et d'amusement. Et brusquement, il y eut un éclair aveuglant, et dans un souffle incandescent, les murs se mirent à trembler. S'est-il passé? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville, et il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qu'un désert de gravats, de poussière, qu'un silence a hurlé à la place où il y avait une ville qui battait comme un cœur prodigieux. Une fille dont les yeux étaient pleins du soleil de mai. Mon Dieu, faites que ce soit un mauvais rêve. Réveillez-moi, réveillez-moi, réveillez-moi, réveillez-moi. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, mes chers collègues, prenons de la hauteur pour mesurer le désastre dans lequel nous sommes plongés en ce moment. Le GIEC annonce des changements irréversibles dans le climat. La moitié de l'humanité et de la biodiversité sont menacées, mais nous sommes cloués dans un conflit qui peut dégénérer à tout instant en guerre nucléaire, détruisant plus vite encore toute l'humanité. James Webb, le plus puissant télescope que l'humanité ait jamais construit, est entré en fonction limite de l'orbite de notre planète, mais il nous faut avoir pour priorité de surveiller depuis l'espace des mouvements de camions militaires. L'humanité est ainsi plongée dans une régression consternante, car en une nuit d'invasion, le gouvernement nationaliste de la Russie vient de nous ramener au 19e siècle, quand les différends entre les puissances se réglaient par la guerre, de nous ramener au XXe siècle, quand toute guerre en Europe devenait mondiale. Quelles que soient les causes de l'invasion de l'Ukraine, rien ne peut l'excuser, ni la relativiser. La menace que contient cette invasion, c'est celle d'une guerre mondiale totale, et cela en fait un crime contre l'intérêt général humain de notre temps. Le gouvernement de M. Poutine en porte la totale responsabilité, puisque c'est lui et personne d'autre qui est passé à l'acte. De la sorte, la politique est faite de réalité, de faits. De la sorte, L'honneur de la condition humaine est évidemment dans la résistance des Ukrainiens, mais elle est aussi dans la résistance des Russes eux-mêmes, ceux qui avec courage manifestent contre la décision de guerre de leur propre pays. Ils témoignent pour l'aspiration universelle à la paix. Leur manifestation nous donne un modèle d'action. Elle mine politiquement la cohésion de l'appareil du gouvernement russe. Dès lors, nous l'oublions jamais. Le peuple russe n'est pas notre ennemi. Nous, Français, ne le confondons pas avec le régime nationaliste qui est en place. Nous savons désormais dans quelle alternative nous sommes enfermés. Aucune participation à la guerre ne pourrait rester limitée. Action et réaction s'enchaîneraient implacablement et sans limite. Face à une puissance nucléaire comme la Russie, la destruction nucléaire générale serait l'horizon prévisible. D'ailleurs, M. Poutine n'a pas hésité à en menacer lui-même le monde. Dès lors, si frustrant que cela soit, le seul chemin rationnel est celui de la paix. Il porte un nom clair, la désescalade. Si frustrant que ce soit, l'alternative reste simple. Ou bien la diplomatie, ou bien la guerre totale. Tout doit aller à la diplomatie et rien, si peu que ce soit, à la guerre. Méfions-nous des solutions improvisées et des conforts de posture. Les moyens que nous employons ne doivent jamais pouvoir se retourner contre nous. Pourtant, je regrette que l'Union européenne ait décidé de, je cite, « fournir des armements nécessaires à une guerre ». Selon les termes du commissaire Joseph Borrell, chargé des relations extérieures. Cette décision ferait de nous des co-belligérants. Un engrenage s'enclenche. Avec quelle légitimité? Quand notre Parlement l'a-t-il décidé? Pourquoi avoir rompu ce que le commissaire Borrell a lui-même qualifié de tabou de l'histoire de l'Union, à savoir ne jamais fournir d'armes à des belligérants? Orienter ses armes à partir de la Pologne, terre d'OTAN, n'est-ce pas se mettre à la merci de toutes les provocations des parties prenantes au conflit? Couper le circuit financier SWIFT, n'est-ce pas engager une escalade mondiale en poussant Russes et Chinois à utiliser désormais exclusivement leur propre circuit? Quel avantage pour la paix? Mieux vaudrait plutôt prendre une initiative diplomatique radicale, c'est-à-dire accepter de traiter franchement, directement le fond du problème posé, la sécurité de chaque nation en Europe. Cette question est restée ouverte après l'implosion de l'URSS, puisque pour la première fois dans l'histoire contemporaine, un empire s'est effondré sans qu'on discute les nouvelles frontières. C'est possible, l'outil existe. Il faut pour cela ouvrir une session extraordinaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Organisation créée pour cela par les accords d'Helsinki en 1975. Ce moyen existe, déclenchons-le. La solution existe aussi. C'est la proclamation de la neutralité de l'Ukraine. Le président Zelensky s'y est dit officiellement prêt. D'ailleurs, cette neutralité avait été adoptée par le Parlement de l'Ukraine en 1990, le jour de sa déclaration de souveraineté par 339 voix contre 5. Cette déclaration dit, je cite, que l'Ukraine déclare solennellement son intention d'être un État perpétuellement neutre qui ne participe à aucun bloc militaire. À cette heure, il s'agit de rendre la diplomatie plus profitable que la guerre. Il s'agit de contraindre à la négociation. Et si l'offre en était faite, la contrepartie pourrait être le cessez-le-feu immédiat. pour que cesse le martyre des Ukrainiens. Disons encore qu'une telle négociation est de notre intérêt le plus direct comme Français, car nous aussi nous avons des revendications de sécurité. Et la première est de voir interdire l'installation de missiles de moyenne portée capables d'atteindre la France depuis le sol de la Russie ou de ses alliés. En toute hypothèse, nous venons de toucher du doigt les limites de la doctrine de dissuasion nucléaire terrestre, je dis bien terrestre, face à un adversaire résolu, car le tout ou rien enferme clairement dans le rien si on n'est pas prêt à se faire sauter soi-même. La guerre d'Ukraine nous oblige donc à repenser beaucoup sur nous-mêmes. La dénucléarisation du monde doit redevenir un objectif concret de notre diplomatie, puisque la surenchère nucléaire ne peut pas avoir de sens concret. La guerre d'Ukraine vient de le prouver. Et souvenons-nous à cet instant, nonobstant les cris que vous poussez, du nombre des conflits de frontières qui s'expriment encore d'une façon ou d'une autre sur le sol du vieux continent. Aujourd'hui, 13 pays sont concernés, soit le quart des nations du vieux continent. Cela prouve combien il vaudrait mieux convoquer à temps une conférence européenne des frontières qui permette de définir les modalités de règlement des conflits dans chaque cas et d'établir ainsi une doctrine partagée par tous. La crise que nous venons de vivre interroge toutes les certitudes et les doctrines passées. À l'ONU, dans le vote sur la résolution à propos de l'Ukraine, notant l'abstention de l'Inde et de la Chine, c'est-à-dire de 50% de l'humanité. C'est un signal d'une extrême importance. Un autre ordre géopolitique du monde s'installe déjà à partir de l'Asie. Il est temps alors d'actualiser nos conceptions. Le régime nationaliste russe actuel agit comme un capitalisme oligarchique autoritaire. L'invasion de l'Ukraine signe une nouvelle carte d'identité après 30 ans de mutation continue. De même, c'en est terminé du nouvel ordre mondial annoncé par George Bush en 91. Le moment est entré d'une réorganisation générale. Poussés dans les bras l'une de l'autre par la stratégie des USA, Russie et Chine font émerger un nouveau bloc. Hélas, nous avons été incapables de promouvoir l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Est-il trop tard ? Dans ce contexte, les automatismes et les allégeances du passé ont-ils un intérêt pour nous Français ? Je ne le crois pas. Le non-alignement est notre intérêt. Dans la situation mouvante de notre temps, nous ne devons être les obligés de personne. La sortie de l'OTAN, organisation inefficace, participe par sa volonté d'expansion aux tensions guerrières sur notre continent. Non-alignant ne signifie pas neutralité. Le choix de la France la met du côté du droit international et ce droit est du côté de l'Ukraine. Non-alignés, nous serons libres pour mener une diplomatie vraiment altermondialiste. D'une faiblesse, je conclus, faisons une force. La crise en cours comporte tous les risques mais tous les moyens d'un rebond positif. Attention, les postures de va-t-en-guerre pullulent toujours autour des conflits. Mais l'action politique démocratique à toutes les échelles n'est rien d'autre qu'un effort toujours recommencé pour régler par la discussion et la décision collective la violence des conflits qui divisent la société. La démocratie Merci. Reste un choix d'optimisme politique. À cette heure, c'est la démonstration que nous devons en faire à propos de la crise de l'Ukraine. Merci. S'il vous plaît. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon, vous êtes candidat à l'élection présidentielle, le candidat de la France Insoumise. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour réagir aux mots du président Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a trouvé les mots justes ? Ce que je peux dire, c'est que je partage le sentiment de la gravité qu'il a essayé de communiquer. Nous sommes sous la menace d'une déflagration générale et qui met en face à face des puissances nucléaires. Il a dit des choses justes que je partage. Il a dit d'autres que je n'aurais pas dit de la même manière ou que j'aurais dit différemment. Et puis, j'aurais aimé qu'il passe à l'acte et fasse une proposition forte en matière de diplomatie. Comme vous le savez, je pense qu'il faut convoquer une session extraordinaire de l'Organisation de la Sécurité et de la Coopération en Europe pour accepter de discuter des questions de sécurité de chaque frontière. Et de même, je pense que compte tenu de ce qui va se passer avec l'explosion de l'inflation, compte tenu des mesures de sanctions économiques, que le blocage des prix soit décidé en France. Mais ceci dit, je voudrais surtout insister sur le fait que des paroles justes ont été prononcées, comme le fait que c'est le gouvernement de M. Poutine qui est l'agresseur, comme le fait que le peuple russe ne se confond pas avec ce gouvernement. Et pour ma part, je pense qu'il faut frapper dur et fort les oligarques plutôt que le peuple. Les oligarques, c'est tout ce personnel corrompu, enrichi, qui entoure le gouvernement actuel de la Russie et qui devrait commencer à réfléchir, comme cela a été dit sur votre plateau tout à l'heure, s'ils s'aperçoivent que nous sommes en état de leur en faire souffrir plus d'une. Je pense que c'est préférable plutôt que d'une attaque qui serait, à mon avis, irresponsable, c'est-à-dire notre entrée en guerre dans cette affaire. Pourquoi, selon vous, il ne faut pas aujourd'hui armer les Ukrainiens, ce que l'Europe fait, hein ? Bon, parce que le risque que nous courons est disproportionné. C'est-à-dire, dans le meilleur des cas, nous parviendrions à faire parvenir un certain nombre d'armes. C'est déjà le cas, hein ? Mais il ne faut rien faire qui nous positionne comme belligérants. Vous ne pouvez pas à la fois dire que M. Poutine est un individu qui est devenu dangereux, ce que je crois, et en même temps lui fournir des occasions de représailles. Il faut donc frapper à bon escient, au bon endroit. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut le faire en l'isolant absolument sur la scène mondiale. On a commencé à le faire avec le vote de l'ONU, qui est écrasant dans la condamnation de la Russie de M. Poutine, mais il faut le compléter par une proposition forte, diplomatique, comme je viens de le dire, dire oui, nous sommes prêts à discuter de toutes les frontières. Et nous, Français, nous avons des choses à dire au gouvernement de M. Poutine, notamment que nous ne sommes pas d'accord pour que soient installés en Russie des missiles, comme c'est le cas aujourd'hui, qui pourraient nous atteindre, nous, Français, et le reste du territoire de l'Union européenne. Mais Jean-Luc Mélenchon, ça fait voilà les initiatives qui me semblent nécessaires de prendre. Jean-Luc Mélenchon, ça fait 14 ans qu'on discute avec Vladimir Poutine, vous le voyez bien, ça n'a pas empêché aujourd'hui la guerre. Ah oui. Bon, ben écoutez, faites la guerre, si vous pensez que, puisqu'on a arrivé elle à rien déjà en 14 commencé. Ans. Je pense que vous faites un... Écoutez-moi. Ah bon, ben alors, dans ce cas, moi je ne l'accepte pas, je ne suis pas d'accord pour dire c'est la guerre. Nous allons tout faire pour empêcher cette guerre. Et il faut le faire vite, parce que les gens sont en train de souffrir 1000 morts là-bas en Ukraine. Mais je voudrais revenir sur un point que vous venez d'avancer, à mon avis, à tort. Il y a 14 ans, en effet, que le différend avec la région russophone et le reste de l'Ukraine est là. Mais pendant 14 ans, nous avons pataugé en Ukraine avec des gouvernements qui sautaient. Certains gouvernants de l'époque sont retrouvés en prison pour corruption. Il était extrêmement difficile de stabiliser la situation. Et quand les accords de Minsk, le processus de Minsk a été lancé, où les Français se trouvaient avec les Allemands et avec les Russes, le moins qu'on puisse dire, c'est que les Américains n'ont pas aidé à la manœuvre. Je ne dis pas que la responsabilité leur en revient, mais ils y ont aussi une responsabilité. Par conséquent, il est faux de dire que comme on n'y est pas arrivé, on n'y arrivera jamais. Parce que si on part de cette logique, alors on va à la guerre. Et je voudrais rappeler que ça sera une guerre nucléaire. Par conséquent, ce n'est pas le moment de jouer les va-t-en-guerre. En tout cas, pour ma part, je crois que le président remplit sa fonction. la fonction qui est la sienne est la plus importante dans la constitution de la Ve République, puisque c'est lui qui est le chef des armées, et c'est lui qui négocie et signe les traités. Par conséquent, chacun a un rôle. Il tâche de tenir le sien avec autant de dignité qu'il le peut, face à un individu qui est extrêmement dangereux. Mais nous aussi, nous avons un rôle à jouer. Vous, journalistes, et nous, leaders politiques, ou citoyens, ou militants. Alors, dans notre pays, il y a un fort parti de va-t-en-guerre. Hein. La surenchère de plateaux de télé, c'est facile à mener. Mais ensuite, rembobiner le film de la guerre, ça devient beaucoup plus difficile. Moi, je veux être l'entraîneur du camp de la paix. Je veux que, en face de ceux qui veulent à tout prix la guerre, il y ait un camp qui soit le camp à tout prix de la paix, en faisant des propositions concrètes, comme je viens de le faire. Mais je mets en garde contre la sous-estimation du risque que nous courons en ce moment. La guerre nucléaire, c'est pas un jeu. Mais nous avons affaire à un personnage dont personne ne peut expliquer pourquoi Jean-Luc il a passé Mélenchon, la frontière militairement. Par conséquent, nous ne savons pas ce qu'il est capable de faire. En Ukraine. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron nous dit ce soir, la Russie n'est pas agressée, elle est l'agresseur, c'est Vladimir Poutine seul qui a voulu c'est vrai. Guerre. Vous pourriez le dire, cela ? Absolument. Je dis la même chose. Et je dis que, en faisant ce qu'il a fait, Poutine est en train d'essayer d'établir, le président sur ce plan a raison, il dit c'est le passage à une autre époque. Monsieur Poutine est en train d'essayer de nous faire le coup que Monsieur Bush nous avait voulu nous faire dans les années 91, le nouvel ordre mondial. Alors le nouvel ordre mondial, ça commence toujours par des bras de fer et des épreuves de force. Si nous laissons faire, si Monsieur Poutine a le dernier mot, ça veut dire que sur le continent européen, on en revient à la méthode de la guerre, l'utilisation de la force, les bombardements sur les populations civiles, tout ce qu'on avait cru que la page était tournée depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pourquoi je réagis si vivement. C'est que je ne veux pas qu'on se fasse à l'idée que la guerre est inéluctable. Aussi longtemps que Vladimir nous avons les Poutine moyens de l'empêcher, de l'arrêter, il faut le faire. Diriez-vous que Vladimir Poutine Mais est écoutez, un dictateur ? Les mots ont leur importance aujourd'hui. Écoutez, oui, ben vous avez bien raison de dire que les mots ont leur importance, c'est pourquoi il faut les choisir. Avez-vous entendu dire, le président Macron, dire que M. Poutine était un dictateur ? L'avez-vous entendu dire ? Non. Et pourquoi il ne le dit pas ? Parce qu'il réfléchit à la tâche qu'il a à accomplir. Vous ne pouvez pas dire un jour à un homme « vous êtes un dictateur » et le lendemain le rappeler pour lui dire « alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on peut faire la paix ?» J'estime que de ce point de vue, le comportement du président est responsable, y compris quand il dit « nous ne sommes pas en guerre contre la Russie ». Parce que c'est les mots qu'il fallait employer après le dérapage de M. Le Maire ce matin, qui disait « on fait la guerre ». Non, on ne fait pas la guerre. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour, comme l'a dit Macron lui-même, il dit la même chose que moi sur ce sujet. Il dit qu'il y a un risque de contagion à d'autres pays. Est-ce que vous savez qu'un quart des pays de la vieille, du vieux continent ont un problème de frontière avec leurs voisins ? Par conséquent, si nous laissons M. Poutine s'avancer dans la direction qui est de croire que la force va régler les problèmes, alors cet autocrate qu'est M. Poutine va se figurer qu'il est possible de le faire partout. Et il y a au moins 4 ou 5 pays qui sont immédiatement menacés. Par conséquent, il faut raison garder, et le camp de la paix doit être à chaque étape vigilant sur ses propos et sur ses propositions. C'est ce que j'essaye de faire. Vous savez, l'élection présidentielle, elle vient à point nommé. Hein. Les Français vont devoir choisir quelle ligne ils veulent voir mettre en application. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'avoir réagi ce soir sur BFM TV. il est à peu près certain que les électrices, les électeurs de M. Macron ont déjà mis leur réveil matin pour le 10 avril. D'accord ? Ils vont en reprendre pour 5 ans. Parce que M. Macron, on va en parler après, a redistribué beaucoup aux plus riches de ce pays. Non mais c'est important. Et donc à toutes celles et ceux qui croient que voter ne sert plus à rien. Ouais. Ben je leur dis, vous savez, les électeurs de M. Macron, ils vont y aller. Et ils savent pourquoi ils y vont. Donc si vous croyez que ça ne sert à rien, regardez-les eux faire. Ils y vont, ils savent pourquoi ils y vont. Ils y vont pour défendre des intérêts. Donc aujourd'hui, vous avez un candidat qui propose véritablement de tout changer, de passer à la 6e République, de partager les richesses, de s'employer à faire la bifurcation écologique. Il faut se saisir de cette occasion. Donc vous inscrire sur les listes électorales et faire en sorte qu'on se regroupe autour de cette candidature qui fait que dans 49 jours, on peut y arriver. Eh bien oui, les maîtres de la propagande nazie ont aussi essuyé des revers. C'est l'histoire de cette célèbre affiche connue sous le nom d'affiche rouge. Réalisée par les services de propagande allemands, l'affiche rouge constitue une opération d'envergure contre la résistance. Elle annonce l'exécution des membres du réseau Manoukian. Constituée dès l'année 42, cette organisation composée de communistes et d'étrangers fait partie du groupe de résistance des francs-tireurs et partisans, main-d'œuvre immigrée. Arrêtés en novembre 1943, ses membres sont condamnés à mort et fusillés le 21 février 1944 au fort du Mont-Valérien. En février 1944, l'affiche rouge est placardée massivement dans la France occupée. Elle est accompagnée de reportages filmés, d'articles de presse et de nombreux tracts comme celui-ci. Si des Français pillent, volent, sabotent et tuent, ce sont toujours des étrangers qui les commandent. Ce sont toujours des chômeurs et des criminels professionnels qui exécutent. Ce sont toujours des juifs qui les inspirent. C'est l'armée du crime contre la France. Sur l'affiche elle-même, les membres du réseau Manoukian sont présentés comme de dangereux terroristes. La couleur rouge évoque leur appartenance politique, c'est-à-dire le Parti communiste, engagé dans la résistance armée. Le rouge suggère aussi le sang qu'ils ont versé. D'ailleurs, Aragon la décrira dans son poème, strophe pour se souvenir, comme l'affiche qui semblait une tache de sang. L'image est structurée en trois parties. En haut, on peut lire une question. Des libérateurs ? En bas, on trouve sa réponse. La libération par l'armée du crime. Le message est clair. Ces hommes sont des criminels. Dans un triangle rouge figurent les photos de 10 résistants du groupe Manoukian. Sous chacune d'elles est inscrit le nom, l'origine et les actions menées. La pointe du triangle s'enfonce dans des photos montrant des attentats, des saisies d'armes, des destructions. Toutes les menaces que ces criminels font peser sur la France. Mais en février 1944, les Allemands ont subi des revers militaires importants. La déroute de Stalingrad, en février 1943, est un tournant de la guerre. En juillet 1943, les Alliés ont débarqué en Sicile et ils sont pratiquement maîtres de l'Afrique du Nord et de l'Italie. La défaite allemande paraît désormais possible, voire inévitable. Voici pourquoi l'affiche rouge n'a pas eu l'effet escompté auprès de la population. Au contraire, censée susciter la haine contre ses résistants, cette affiche éleva ses hommes au rang de martyrs et de héros. Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. la justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, oh mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers, nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant. Alors, on va retrouver Jean-Luc Mélenchon qui est avec nous, le candidat à la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, merci beaucoup d'être en direct sur LCI ce soir avec nous. Vous avez écouté le président Macron. Quel sentiment avez-vous en l'ayant écouté ? Je partage avec lui le sentiment de l'extrême gravité de la situation et le caractère imprévisible des décisions que pourrait prendre Vladimir Poutine. Par conséquent, dans ce qu'a dit le président Macron, il y a des choses justes que je partage, des choses que j'aurais sans doute dit autrement, certaines que je n'aurais pas dit du tout. Et si je dois prendre en compte la situation comme elle est, je trouve qu'il y manque la proposition ou les propositions clés pour nous, c'est-à-dire d'un côté faire une initiative diplomatique radicale qui est de décider d'ouvrir tout de suite la discussion dans le cadre de l'OSCE sur la sécurité des frontières, parce que le président lui-même a dit qu'il fallait contenir les risques de contagion. C'est donc que nous voyons bien les mêmes risques, aussi bien lui que moi. Et puis la deuxième chose, c'est la résistance à l'explosion des prix que va produire les mesures, les sanctions économiques. Et donc là, la question du blocage des prix. Mais voyez-vous, c'est un tout. Il a ses responsabilités, il les assume, et nous avons nous tous les nôtres, y compris les opposants. Il existe en France un puissant parti de va-t-en-guerre que je juge dangereux et irresponsable, et je m'assigne la mission d'être l'entraîneur d'un parti pour la paix, vigilant, pas neutre par rapport à l'agression poutinienne. Je ne suis pas neutre, et pas plus que je n'ai accepté en son temps le nouvel ordre du monde de M. Bush, je n'ai l'intention d'accepter le nouvel ordre du monde que M. Poutine dessine pour l'Europe, c'est-à-dire le retour au rapport de force, à la guerre et à tout ça. Donc voilà, je crois qu'on a tous des responsabilités. Je vous ai peut-être mal compris, pardonnez-moi, mais est-ce que vous dites que, en fait, le président ou des proches, enfin, serait un parti de va-t-en-guerre, ou j'ai mal compris ? Je crois que vous n'avez pas mal compris, vous n'avez rien compris. oui, voilà. Non, mais alors, donc, que vouliez-vous dire, pardon ? Alors, je recommence pour vous faire plaisir. Hein ? Oui, je recommence, remercie. Puisque vous n'avez rien compris. Je dis qu'il y a dans le pays un fort parti de va-t-en-guerre, qu'on entend d'ailleurs souvent sur vos plateaux. Le président est beaucoup plus prudent, et je l'approuve quand il dit « nous ne sommes pas en guerre avec la Russie ». Et je l'approuve aussi quand il dit « nous ne faisons pas la guerre au peuple russe ». Parce qu'il a raison de faire ce distinguo, comme je l'ai fait moi-même, sous les huées, à l'Assemblée nationale, parce que ça n'est pas la même chose. Il y a des gens qui poussent à la guerre, et moi je veux être de ceux qui poussent à la paix. Le président, lui, remplit sa fonction, il dit les choses qu'il croit justes, certaines je les partage, d'autres je ne les partage pas ou je les dirai autrement, et surtout, il me semble que manquent deux grandes idées. La première, c'est de nous défendre par le blocage des prix contre le résultat des sanctions économiques qu'on doit prendre. Et puis l'autre, c'est de prendre une initiative diplomatique radicale, tout de suite, dire « nous sommes prêts à discuter de la question de la sécurité des frontières » avant que ne s'engage la contagion que le président lui-même a vue, le risque de contagion que comporte le comportement de Poutine. Mais ça voudrait dire cette initiative de paix, il faudrait qu'elle soit acceptée par Vladimir Poutine, mais elle ne serait acceptée que si elle avait pour objectif de neutraliser complètement l'Ukraine et de dire et de promettre en quelque sorte à la Russie qu'autour d'elle ne seraient que des pays neutres, et en l'occurrence l'Ukraine. Donc ce serait sans doute une concession aux yeux de ceux qui veulent défendre l'Ukraine aujourd'hui. Et ça, je crois que j'ai bien peut-être compris. Qu'on peut laisser avant que vous... Non, je crois que là, vous allez tout de suite à la conclusion. Je vais vous expliquer vous quelque que chose, il me semble. Que quand on commence une... Mais je suis pas certain. Parce que quand vous commencez une discussion, vous faites ça dans la vie comme moi, on part d'un point de vue et puis la discussion fait évoluer tout le monde. Ce qu'il faut, c'est vider l'argument de Monsieur Poutine. C'est-à-dire, il dit « j'ai fait tout ça parce que je suis en danger, parce que vous mettez en cause ma sécurité ». Très bien. Eh bien, alors on en parle. Et on parle des garanties que chacun va demander. Parce que nous aussi, Français, nous avons des choses à demander. Il n'y a pas que Monsieur Poutine sur Terre, il y a aussi nous. Et nous, les Français, nous ne pouvons pas accepter que soient déployés sur le territoire de la Russie des missiles contre nous, qui peuvent nous atteindre. Or, c'est le cas. Donc, vous voyez que tout le monde a quelque chose à mettre sur la table. Deuxièmement, la neutralité de certains pays, je vous invite à la prudence. Parce que des pays qui sont neutres ou qui ne sont pas membres de l'OTAN, il y en a plein autour de la Russie, et personne n'a le droit, je pense, de les mépriser. Au demeurant, la question de la neutralité, elle a été adoptée par l'Ukraine elle-même quand elle s'est déclarée souveraine. Elle a dit qu'elle serait à jamais une nation neutre. Les circonstances ont fait que les choses se sont passées autrement. Mais ne rayons pas d'un trait toute une histoire et des accords que tout le monde a signés. Les Russes, et nous sommes en droit de leur dire, vous avez signé, vous devez tenir parole. Mais nous aussi, on a signé un certain nombre de choses et on en a dit. On doit tenir parole. Donc si vous voulez, la différence est de dire, on fait des pressions tant qu'on peut. On essaye de le faire sans escalade. Et vous les approuvez. Et vous les approuvez. Le président, quand il parle de désescalade. Et vous les approuvez, ces pressions. Pardon ? Vous les approuvez, ces pressions. Que faire d'autre ? D'accord. Non, mais sur les sanctions, elles sont... On ne va pas entrer en guerre. Non, mais... Les pressions... Je vous en prie. Non, mais voilà, je voulais vérifier. Vous approuvez ces pressions, ces sanctions qui sont très fortes et qui nous ont été expliquées par le président avec les conséquences qu'elles ont, c'est-à-dire un prix pour notre vie quotidienne, un monde qui a changé, une nouvelle époque et dans lequel écoutez, on se défend, on défend la liberté et la démocratie. C'est ça. Écoutez, évitons, si vous voulez bien, à chaque occasion, de redéballer tout le catéchisme. Ce n'est pas le sujet qui nous est posé. Des pressions, des sanctions économiques sont prises. Certaines sont efficaces, d'autres ne servent à rien et on le sait. Certaines peuvent être à la fin dangereuses. Je vous donne un exemple. On a décidé de sortir la Russie du système SWIFT qui permet les échanges et le financement entre les nations. Première exception, c'est les Allemands qui l'ont posé. C'est pour payer la société Gazprom. Pour pouvoir payer la société Gazprom, les Allemands ont demandé que pour ces paiements, on maintienne le système SWIFT. C'est un peu technique, mais ce qui est certain, c'est que si nous coupons les Russes du système SWIFT, qu'on peut décider de faire, la conséquence, c'est qu'ils vont naturellement se tourner vers le système qu'ils ont en commun ou qu'ils peuvent avoir en commun avec les Chinois. Donc il ne faut rien faire qui aggrave nos difficultés pour la suite. On doit toujours agir en se demandant si ce qu'on fait est efficace ou pas. Je vais aller sur les sanctions. Écoutez bien, la sanction la pire pour un régime oligarchique, comme celui de M. Poutine, c'est celle qui frappe les oligarques. Par conséquent, celle qui, à mes yeux, est la plus efficace, c'est celle qui consiste à leur confisquer tous leurs biens, y compris ceux qui sont en France, et tout de suite. C'est-à-dire non seulement les avoir, mais les appartements, les villas, tout ça. Tout en même temps, parce que ces gens-là vont finir par dire « on paye trop cher le prix d'avoir Poutine pour patron ». Parce que je suis un peu dans la logique des gens qui manifestent en Russie, ils le font contre la politique de leur propre pays. C'est d'un courage extraordinaire. Et je suis content que M. Macron l'ait reconnu, comme j'avais fait à la tribune de l'Assemblée. Eh bien, leur idée, quelle est-elle? C'est de montrer à Poutine qu'il a un risque de déstabilisation intérieure. C'est ça qui lui fait le plus peur. Et par conséquent, en frappant les oligarques, en frappant et en frappant encore les oligarques, c'est lui qu'on déstabilise. Et voilà à quoi je crois qu'il faut concentrer nos efforts. Mais en même temps, il faut poser sur la table une initiative. Parce que s'il la refuse, c'est lui qui s'isole. Enfin, et je pense donc qu'en proposant... Il n'a pas échappé que le président Macron a passé 5 heures et il a eu au téléphone et a encore répété ce soir qu'il l'aurait de nouveau au téléphone et il parlerait de nouveau. Et au nom aussi de l'Europe, on peut l'imaginer. Donc, la discussion, il y a des canaux et ça passe par la France aujourd'hui. Et on peut en être plutôt satisfait parce que comme ça, on s'occupe un peu de notre propre destin. Écoutez, soyez... Je comprends. Mais le sujet n'est pas de savoir si on est satisfait ou pas. Le sujet, c'est qu'on est à 4 jours ou 5 jours de guerre et que la tournure qu'elle prend, c'est que ça ressemble de plus en plus à ce que les Russes ont fait, ou bien à Alep, ou bien qu'ils ont fait en Tchétchénie. C'est-à-dire qu'on est passé à l'étape du tapis de bombe. Et ça, il faut donc qu'on trouve à tout prix et à toute vitesse le moyen d'arrêter ça, c'est-à-dire d'arriver au cessez-le-feu et à un isolement diplomatique tel que la Russie soit en situation de discuter. Et vous ne pouvez pas préjuger de ce qu'ils vont dire ou ce qu'on va dire nous. Mais si c'est nous qui le disons, nous pesons d'un poids beaucoup plus grand que le seul président Zelensky tout seul. Parce que quand lui a proposé la neutralité de l'Ukraine, eh bien il s'est fait envoyer balader. Maintenant, si c'est nous qui proposons une telle conférence, si elle est appuyée, comme l'ONU vient de le faire, l'ONU vient de voter à une écrasante majorité du jamais vu la proposition d'ouvrir des cadres de discussion, mais ne dit pas lequel. Nous, en Europe, on peut le faire. Monsieur Macron peut le faire, puisqu'il est le président à la fois de l'Europe et de la France à ce moment. Donc, on a là une capacité d'initiative. Ça n'enlève pas le fait qu'il lui téléphone et qu'il lui parle. Je trouve ça plutôt bien. Mieux vaut parler, discuter, essayer de marquer le chemin que d'être purement et simplement dans le rejet. Je prouve que l'initiative diplomatique est nécessaire pour déverrouiller la situation. Sinon quoi? On va attendre combien de jours? En ce moment, c'est un martyr pour les Ukrainiens. Et en plus, ils se battent entre eux. Parce que ceux qui sont dans la région russophone sont aussi ukrainiens que ceux qui ne sont pas dans la région russophone. Et nous avons l'idée de maintenir tout le monde dans les mêmes frontières. C'est bien ça qu'on a dit. C'est bien pour ça qu'on s'est fâché. Et on avait raison quand M. Poutine a reconnu deux républiques soi-disant indépendantes. Par conséquent, si on a ces objectifs, il faut s'en donner les moyens. Et on ne peut pas le faire simplement en attendant que les jours passent et que la violence ait tout réglé. Parce que si la violence règle tout, c'est lui qui aura le dernier mot. Il rentrera chez lui, il ne se passera rien. Et nous tous en Europe après, nous serons en train de nous demander comment nous comptons faire face à un personnage pareil qui est arrivé à cette situation. Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'il s'est convaincu progressivement que la force peut régler les problèmes. C'est ça le problème que pose Poutine. J'ai une question, Jean-Luc Mélenchon, sur la perspective... 15 ans ou 20 ans de ça. Sur la perspective de l'Europe puissance de paix, sur le développement des forces de défense et sur le développement de l'Europe de la défense. Vous y êtes favorable? Tout ce que vous... Mais si vous voulez, si c'est de nature à détendre l'atmosphère, pourquoi pas? Mais comment peut-on opposer à une situation à laquelle on doit faire face un plan qui n'a pas marché pendant 20 ans et qui, de toute façon, bute sur des difficultés qu'on connaît tous, qu'on ne peut pas régler sur le plateau à cet instant? Moi, je crois à la France indépendante et souveraine. Je crois plus que jamais que mon pays a intérêt à savoir se défendre tout seul et avec résolution. Parce qu'il suffit de regarder ce qui se passe vis-à-vis de l'Ukraine pour se rendre compte que la plupart des grands pays qui nous entourent sont d'ores et déjà disponibles à s'accommoder de ce qui se passera dans l'Ukraine. Ce n'est pas notre cas, nous, Français. Et en tout cas, s'il s'agissait de la France, on ne réagirait pas comme ça. Alors, donc, dernière nous avons question. Plus que jamais intérêt à pas nous bercer de rêves, mais à partir de réalité. Vous savez, c'est pas pour rien qu'on est en train d'envoyer un deuxième sous-marin nucléaire à la mer en ce moment même. Dernière question sur la campagne présidentielle. Nous sommes à 39 jours du premier tour. Est-ce que vous craignez qu'elle soit paralysée et est-ce que vous voyez l'allure qu'elle va avoir? Le président a promis qu'il y aurait un débat et tout le monde en est satisfait, j'imagine. En tout cas, nous, journalistes et citoyens, c'est une promesse qui nous sied. Oui, mais je la partage parce que, voyez-vous, sinon de quoi parlerait-on dans une campagne? Juste de ce qui fâche pas, juste de ce qui pose pas de problème. Bon, vous avez mille fois raison. Ça fait partie, c'est même les attributions les plus importantes du chef de l'État dans la Constitution de la Ve République. Il est le chef des armées, il négocie et il signe les traités. Par conséquent, les deux fonctions essentielles qui lui sont attribuées personnellement, c'est quelque chose qui a à voir avec la situation que nous connaissons aujourd'hui. Par conséquent, les Français vont devoir juger. Qui a la ligne politique la plus cohérente par rapport à la situation que nous connaissons? Et je ne parle pas que du président Macron et de moi. Hein. Qui a la connaissance, le savoir-faire, l'intuition de ce qu'il est possible de faire? Oui, ça fait partie du débat présidentiel. J'ai même envie de dire que c'est l'essentiel du débat présidentiel. Parce que toutes les questions sont accrochées. Vous avez vu, comme moi, le président parler de l'indépendance énergétique de la France. Il a parlé de la souveraineté alimentaire. Est-ce que ce n'est pas les sujets sur lesquels je me bats depuis des années sur ces thèmes-là? Donc vous voyez que toutes les questions se tiennent. De même que la question, par exemple, de la crise de l'eau. Vous savez comme moi que les Russes sont entrés par un bout de l'Ukraine qui leur permettait de débloquer le canal qui amène l'eau jusqu'en Crimée parce que ça fait 8 ans que c'était coupé. Deuxièmement, que la région qu'ils occupent le long de la mer est celle qui fournit l'eau à l'Ukraine. Tous ces aspects sont liés, l'écologie, la guerre, la paix. Et je trouve normal, je trouve bien qu'on en parle. Et de ce point de vue, le président a raison de ne rien changer. Merci. Au programme des élections, parce que c'est la démocratie. Il faut, nous, qu'on assume d'être un peuple qui vit en démocratie. Donc, on parle de tout. Chez nous, il n'y a pas de sujet tabou. C'est la République, c'est la démocratie. Merci beaucoup. Merci d'avoir réagi ce soir sur notre... Non, merci à vous de m'avoir accueilli sur votre plateau. Voilà. Et vous avez vu qu'on a compris quand même ce qui se passait. Et ce que vous disiez, hein? Oui, ah ben, bon, allez, madame Elkrieff, je le retire si ça vous a paru excessif. Merci, merci beaucoup. Je n'en attendais pas moins de vous. Merci. N'en reviendra pas, toi qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu, quand j'ai déchiré ta chemise, et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille. Que nos buts a coupé par le travers en deux, pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre, et toi, le tatoué, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps sans visage, sans yeux. On part, Dieu sait pour où, ça tient du mauvais rêve, on glissera le long de la ligne de feu, quelque part ça commence à n'être plus du jeu. Les bons hommes là-bas attendent la relève. Roule au loin, roule le train des dernières lueurs, les soldats assoupis que ta danse secoue, laissent pencher leur front et fléchissent le cou. Cela sent le tabac, la laine et la sueur. Comment vous regardez sans voir vos destinées, fiancés de la terre et promis des douleurs, la veilleuse vous fait de la couleur des pleurs, vous bougez vaguement vos jambes condamnées. Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit, déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places, déjà le souvenir de vos amours s'efface, déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri. Ce soir, Adrien Quatennens, soutien de Jean-Luc Mélenchon, coordinateur de la France Insoumise, député du Nord. Bonsoir et merci. Bonsoir. De votre présence. À vos côtés, le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC. Adrien Quatennens, Mathieu Béliard parlait de l'héroïsme, de la bravoure des Ukrainiens qui résistent face à l'armée russe. Vous saluez cette bravoure, vous saluez cet héroïsme, vous les soutenez ? Mais évidemment. Et avoir d'abord une pensée pour le peuple ukrainien qui est sous les bombes, pour nos compatriotes aussi, qui s'y trouvent, et pour ces femmes et ces hommes qu'on voit désormais réfugiés, et commencer par dire que la France doit prendre toute sa part à l'accueil de ces réfugiés, et que ça devrait faire l'unanimité. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, notamment Éric Zemmour, qui s'y oppose, qui ne veut pas accueillir ces réfugiés ukrainiens. On y reviendra tout à l'heure dans la story de Mohamed Bouafsi. Vincent Desportes, les Russes visait Kiev pour atteindre le pouvoir en place, 3 millions d'habitants, une superficie qui est à peu près 3 fois celle de Paris intramuros, une ville hérissée de barricades, de fortune, avec des pneus, du mobilier, des ladas en travers de la route, des volontaires armés, bandeaux jaunes au bras. Cette résistance ukrainienne à Kiev et ailleurs, partout dans le pays, elle est beaucoup plus importante que vous l'imaginiez. qu'imaginait Vladimir Poutine ? Qu'imaginait sûrement Vladimir Poutine. Et on voit bien qu'il a fait un certain nombre d'erreurs d'appréciation, pas mal d'ailleurs. Et la première, c'est celle qu'il a pensé que le peuple ukrainien de 2022 était encore un peuple de sous-slaves de 2020, non encore éveillé ni à l'Europe, ni au sentiment vraiment national. Il pensait peut-être que les Ukrainiens allaient accueillir les bras ouverts à l'armée russe ? Exactement. Et c'est ce qui est assez inquiétant, parce que depuis le début de cette crise, M. Poutine a fait des erreurs de jugement extrêmement nettes. Or, il détient le feu nucléaire, il a même ouvert la boîte de Pandore. Or, quand on est en dialogue nucléaire, en diplomatie nucléaire, le discernement est une qualité essentielle pour qu'on ne monte pas aux extrêmes. Et c'est ça qui m'apparaît le plus inquiétant dans cette crise. La mise en alerte de la force de dissuasion nucléaire de la part de Poutine, c'est un manque de lucidité du dirigeant russe ? Ah, pas du tout. Il est parfaitement lucide quand il fait ça. On est dans une escalade de part et d'autre. Et donc là, il a mis un cran. Il a répondu en quelque sorte à la force des sanctions économiques qui lui ont été opposées. Lui répond avec les armes dont il dispose et une arme absolue. Il est l'homme qui possède le plus de têtes nucléaires au monde. Il use de son arme et il dit attention. Moi, je fais changer ce conflit de nature. Ça n'est plus un conflit conventionnel qui pourrait amener à la mort de quelques milliers d'Ukrainiens et à la destruction de quelques centaines de maisons. Nous sommes rentrés dans un conflit de type, dans une opposition de type nucléaire, dont le résultat peut être la mort de millions d'individus, voire, si on va au bout, à la destruction de la Terre. Où voyez-vous une escalade de part et d'autre, général, de part et d'autre ? Eh bien, l'escalade, les mesures économiques. Ah oui, c'est pas de même nature. Non, mais attends, mais c'est jamais de même nature. Ah oui, mais rien. Si vous parliez d'escalade militaire. Non, mais rien n'est jamais de même nature. On a une escalade et on joue l'escalade avec les outils dont on dispose. L'outil dont dispose l'Europe et le monde occidental, ce sont des armes économiques. Donc, et il a trouvé que c'était des mesures qui étaient disproportionnées. Pour lui, c'est une escalade. Donc il répond avec les moyens dont il dispose, c'est-à-dire la force brute. On est bien dans une escalade avec les moyens dont chacun dispose. C'est une véritable menace ? Ah, c'est bien sûr. Alors, la grande erreur, et je l'ai vu sur un certain nombre de plateaux, c'est de croire que, comme le dit l'OTAN et les États-Unis, non, c'est disproportionné, c'est parfaitement ridicule. Non. C'est pas comme ça. Il faut tenir compte du fait qu'il est capable de le faire. Et on doit partir de ce point-là. Il est capable de le faire. Et si on ne croit pas qu'il est capable de le faire, à ce moment-là, nous allons faire des erreurs d'interprétation. La première sagesse, c'est de penser que c'est possible, d'autant plus que, je l'ai dit, M. Poutine a manqué de discernement plusieurs fois. La première, je l'ai dit, c'est le peuple. La deuxième chose, il a cru prendre Kiev en 24 heures. 72 heures après, c'est toujours pas pris. Ensuite, il a pris M. Zelensky pour une espèce de médiocre humoriste. Il a bien prouvé qu'il ne l'était pas. Et il a cru, sinon il ne se serait pas lancé dans cette affaire-là, que nous étions des nations faibles, nous, pauvres occidentaux dégénérés, et que l'Europe, le monde occidental, n'était pas capable de faire bloc. Je dirais donc sur tous les éléments essentiels de cette guerre, il s'est trompé. Et donc, il est capable de se tromper encore sur cette affaire, de manquer de discernement et de sang-froid. Et c'est pour ça que nous sommes dans un moment qu'il faudra gérer au mieux. Ça veut dire que Vladimir Poutine est encore plus dangereux depuis hier, Adrien Quatennens ? Oh bah clairement, de toute façon, enfin, disons les choses. Dès l'instant où le caractère intangible des frontières n'est pas respecté, Vladimir Poutine porte l'entière responsabilité de la situation et on voit bien qu'il concourt à l'escalade. Mais ça me paraît aujourd'hui absolument évident. Écoutez, ce qu'il faut obtenir dans le moment, c'est que il faut avoir une seule boussole. L'objectif, c'est la paix. C'est-à-dire, en effet, le maître mot doit être la désescalade. Il faut d'abord obtenir un cessez-le-feu le plus rapidement possible. Ce que demandent les Ukrainiens, notamment le retrait sans condition des troupes russes du territoire ukrainien où elles n'ont strictement rien à faire. Et ensuite, et comme beaucoup de responsables le disent, pas tous malheureusement, mais en revenir à la solution diplomatique. Et nous avons pour ça la nécessité de prendre l'initiative et des cadres institutionnels qui le permettent. Par exemple, l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe, qui doit permettre de revenir à la table des négociations, parce qu'il n'y a pas d'issue, sauf à une guerre totale entre puissances nucléaires, il n'y a pas d'issue militaire à ce conflit. L'issue doit être la solution diplomatique. De ce point de vue, d'ailleurs, le président ukrainien Zelensky a été bien inspiré de mettre sur la table la solution du statut neutre de l'Ukraine, c'est-à-dire d'exigences de sécurité de part et d'autre. Quand est-ce qu'il a mis sur la table ? Il en a parlé encore la semaine dernière, je crois. Il a demandé là son intégration à l'Union européenne. Il a demandé son intégration à l'Union européenne. Par ailleurs, l'adhésion, la perspective de l'adhésion à l'OTAN est inscrite dans la Constitution ukrainienne. Alors, il a évoqué la neutralité, le statut neutre de son pays, ce qui serait une garantie, en tout cas de notre point de vue, c'est ce que nous disons. Simplement, le cadre de la négociation est tout de même assez hasardeux. Parce que, d'abord, négocier en Biélorussie, d'où est partie l'offensive en partie. Négocier alors que Kiev est encore sous l'offensive et des bombes. Et négocier alors que Vladimir Poutine appelle à un putsch et à renverser le pouvoir ukrainien, admettons qu'en effet, ça, c'est de mauvaise base pour discuter. Oui. Mais il faut redire que l'issue, elle est diplomatique. Elle est d'aucune façon militaire. Donc Emmanuel Macron a raison de continuer à s'entretenir régulièrement avec Vladimir Poutine. C'est le 11e entretien là, qu'il a eu, je crois, aujourd'hui avec le leader russe. Vous saluez les efforts diplomatiques d'Emmanuel Macron ? Mais évidemment qu'il faut être en accord et parler d'une voix. Alors évidemment, on est en campagne présidentielle, de la polémique. En tout cas, la voie diplomatique est la bonne solution. Donc le fait qu'Emmanuel Macron poursuive les discussions et les entretiens avec Vladimir Poutine est en soi une bonne chose. Néanmoins, permettez-moi de dire que même si la situation est absolument inacceptable, condamnable, même si rien des explications du contexte qui a amené M. Poutine à penser comme il pense ne lui permet d'agir comme il agit, il y a tout de même des erreurs qui ont été commises depuis un certain nombre d'années. Cela fait plus de 10 ans, je crois, que Jean-Luc Mélenchon met sur la table cette question des frontières en Europe. Et il vaudrait mieux en discuter pacifiquement que d'en venir à des conflits comme ceux qu'on a sous les yeux. Revoir des frontières ? Et quelles frontières ? Mais écoutez, Monsieur Cohen, vous n'êtes pas sans savoir que l'implosion du bloc soviétique, c'est sans doute la première fois qu'un empire en implosion n'est pas dans la discussion sur le cadre de ses frontières. Et vous savez que partout en Europe, dans de nombreux endroits, d'ailleurs pas seulement en Ukraine, ces discussions ont lieu. Alors après, il y a eu des textes signés, il y a eu des mémorandums de Budapest. Mais néanmoins, vous n'êtes pas sans savoir que ces tensions existent. Nous, la seule boussole, en toute hypothèse de Jean-Luc Mélenchon, ça a toujours été la question de la paix. Et dire qu'on est pour la paix, ça ne veut pas dire qu'on est pro-Poutine, et encore moins aujourd'hui. Donc, encore une fois, ces solutions-là, elles peuvent exister. D'autant plus que la France est indépendante. Quand Jean-Luc Mélenchon défend la position d'une France indépendante, non alignée, par définition non alignée, parce qu'il y a toutes sortes de champions, d'apprentis de la géopolitique qui n'ont pas compris que non aligné, par définition, ça veut dire ni dans un camp, ni dans un autre. Avant que M. Poutine décide d'envoyer ses troupes en Ukraine, nous disions mais la Russie n'a pas à envahir l'Ukraine. Et de la même manière, nous disions les États-Unis n'ont pas à intégrer dans l'OTAN l'Ukraine. Parce que c'est un problème aussi. Pas seulement les États-Unis qui intègrent. Pardon ? C'est l'OTAN, oui. L'OTAN. Non, il faut d'ailleurs l'unanimité des pays qui en sont membres. Exactement. Et jusqu'à preuve du contraire, la France n'a pas mis ça à l'ordre du jour, ni l'Allemagne. Voilà, c'était pas à l'agenda. Et puis, vous savez, si vous avez quelques problèmes personnels avec les prises de position de Jean-Luc Mélenchon, moi, je vous invite à écouter des gens qui disent peu ou prou sur ce sujet la même chose que on nous. On reviendra sur c'est les prises cas, de position de Jean-Luc M. Mélenchon. Dupin, mais c'est même le cas de mon voisin. Sous lequel je parle sous son contrôle, mais qui a pris position aussi, le général Desportes, sur la question de l'OTAN en disant que l'OTAN était une menace pour l'Europe. Voilà, il faut aussi l'admettre. On y reviendra dans un instant, Adrien Quatennin, sur la question de la sortie de l'OTAN qui est au programme de Jean-Luc Mélenchon. Mais d'abord, le récap des dernières heures en Ukraine. Retour au terrain, donc les combats continuent. C'est tout près de la frontière russe, dans la ville de Kharkiv, que les combats les plus sanglants ont été rapportés aujourd'hui. Et c'est à Kharkiv aussi que ce soldat russe a été capturé. Je le précise, il parle sous la contrainte. Onze civils tués dans ces bombardements de Kharkiv aujourd'hui. Selon les Ukrainiens, ce sont des quartiers résidentiels qui étaient visés. Le sort de tout un peuple qui continue d'émouvoir, à l'image de cette interprète allemande en direct. Wir wissen ganz genau, was wir verteidigen. Слава каждому нашему. La semaine démarrait pourtant avec l'espoir de négociations, on vient d'en parler, mince espoir en réalité. Des pourparlers étaient organisés entre délégations russes et ukrainiennes en Biélorussie à la rencontre des trois frontières. Une autre rencontre doit être organisée. Mais on sait que l'Ukraine demande un cessez-le-feu immédiat, que la Russie veut une démilitarisation du voisin, alors même que le ton est encore monté d'un cran ce week-end. You have two options. Start a third world war, go to war with Russia physically, or two, make sure that a country that acts so contrary to international law ends up paying a price for having done it. l'expression Troisième Guerre mondiale lâchée par le président américain, la réponse du président russe. La menace nucléaire désormais, bluff ou réel danger, Vladimir Poutine à qui Emmanuel Macron a demandé d'épargner les civils dans un nouvel échange téléphonique aujourd'hui, après un nouveau conseil de défense lors duquel les sanctions contre Moscou ont été confirmées. Nous avons, comme vous le savez, retiré du circuit de paiement SWIFT un certain nombre de banques russes. L'intégralité des avoirs de la Banque centrale russe ont été gelés cette nuit. Le rouble continue sa chute vertigineuse, moins 30% ce matin, et la population commence à mesurer l'impact de ces sanctions en retirant de l'argent, en cherchant des devises étrangères, des dollars par exemple. Dans le pays de Poutine, on a manifesté ces derniers jours pour dire non à la guerre. Des centaines d'arrestations à Moscou, Saint-Pétersbourg, mais pas seulement. Et des mobilisations dans le monde entier. Ce week-end, à défaut de pouvoir aider sur le terrain, l'UE va financer l'armement des Ukrainiens. For the first time ever, the European Union will finance the purchase and delivery of weapons and other equipment to a country that is under attack. Retour en Ukraine où les combats continuent, les bombardements aussi, les sous-sols du métro devenus bunkers collectifs, on s'y cache, on y survit. On y naît même. Cette petite fille venue au monde vendredi soir s'appelle Mia. Sa maman n'a que 23 ans, tandis qu'à la surface, ce sont bien des civils qui viennent en renfort. When I heard the explosion, I decided that I am ready. Конкретного району Києва ми готуємося саме до вуличних боїв. Нам розповідають, як правильно себе поводити в команді, в поодинці. Ми чекати, поки до тебе щось прилетить, і хто як не ми. Des civils qui ne savent pas forcément faire, qui ne sont pas formés, mais leur courage rayonne dans le monde entier. Parfois, les Ukrainiens résistants se sentent même poussés des ailes, galvanisés qu'ils sont par leur premier succès. Сломались, пацаны. Сломались. За кольку стоял. Можно тащить на Россию обратно. А вы хоть знаете, куда вы едете? Куда? Я вы по россияне? Какого хера вы тут роботы? Ну, сейчас наш с вами разговор ни к чему не приведет. Вы оккупанты! Вы фашисты! Вы пришли на нашу землю! Хорошо. Какого хера вы пришли с оружием к нам? Des civils donc qui viennent garnir les rangs d'une armée ukrainienne qui semble bien faible face à la Russie. Tous les renforts sont les bienvenus. Досвідом будуть звільнені з-під варт і зможуть компенсувати свою провину у найгарячіших точках війни. Pendant ce temps, Kiev résiste donc toujours aux assauts russes à bout de bras, à l'image de ce soldat, si jeune soldat qui garde un pont géant, seul, et qui attend les Russes. I'm terrified. I am called to my parents. They really scared. There's Russians in our village, enemies. I hope that they will be fine. Général Desportes, selon l'Élysée, le président de la République a demandé un arrêt de toutes les frappes et attaques contre les civils, une préservation de toutes les infrastructures civiles, une sécurisation des axes routiers. Le président Poutine a confirmé sa volonté de s'engager sur ces trois points, assure l'Élysée. Est-ce qu'on peut le croire ou est-ce que la résistance ukrainienne peut faire redouter une intensification des combats ? Alors, bon, je pense que la parole de M. Poutine n'est pas absolument sûre. Et puis, on est en guerre. Donc, tout peut déborder tout le temps. Le problème de la guerre, depuis que la guerre existe, c'est que vous mettez le doigt et vous terminez complètement mangé et brûlé. On ne domine pas la guerre. Ça, c'est un principe de base. C'est pour ça que les guerres de choix, comme celle qui vient d'être lancée par M. Poutine, est extrêmement dangereuse et on ne sait pas où elle va s'arrêter. Maintenant, on voit bien que la guerre qu'il faut gagner, c'est la guerre de l'émotion. Et la guerre de l'émotion, il l'a perdue, M. Poutine, pour l'instant. On voit des images, on les passe devant 60 millions de Français, etc. C'est partout dans le monde. Et donc, M. Poutine ne doit pas en rajouter dans cette affaire-là. Et on voit bien qu'il y a évidemment des morts. Il n'y a pas de guerre sans morts et il n'y a pas de guerre sans civils qui meurent. Parce qu'il y a toujours des dommages collatéraux. Mais on n'a pas le sentiment, on a le sentiment néanmoins qu'il fait attention à ne pas multiplier les morts inutiles. On n'a pas vu, comme en France, en 1940, des colonnes, enfin des Stukas allemands, ou des avions en train de tirer sur les colonnes de réfugiés. Donc, il a bien compris que quelque chose se jouait là, et donc je pense qu'il fera attention à cet aspect. Il sait bien qu'il est en train de devenir un paria. Peut-il, veut-il limiter les différentes facettes de cette catégorisation ? Vous le disiez, Adrien Quatennens, le temps est aux négociations, la diplomatie plutôt que la guerre totale. C'est l'objet de l'édito de Patrick Cohen. Vladimir Poutine qui a dynamité le programme de Jean-Luc Mélenchon. Oui, ce n'est pas un jugement, c'est un constat, mais vous aurez l'occasion d'y répondre évidemment dans un instant. Les Insoumis prônent de longue date une amélioration des relations avec la Russie et le non-alignement. L'OTAN n'a plus lieu d'être, écrivez-vous dans votre programme, l'avenir en commun, puisque l'ennemi soviétique a disparu. Or, en envahissant l'Ukraine, Vladimir Poutine a réussi tout à la fois à ressusciter l'OTAN, à ressouder l'Union européenne sur la décision inédite, historique de fournir une aide militaire à un pays agressé, à conduire l'Allemagne à investir 100 milliards d'euros pour sa défense, changement de doctrine là aussi, à faire sortir de leur neutralité la Suède, la Finlande et même la Suisse. Voilà en effet trois pays non alignés, non membres de l'Alliance Atlantique, comme vous le souhaitez pour la France, mais qui face à la menace russe ont choisi leur camp. Les deux premiers ont participé à des réunions de l'OTAN et envisagent leur adhésion. La Suède va livrer les armes anti-chars à l'Ukraine et la Suisse reprend intégralement les sanctions de l'Union européenne qui vont faire de la Russie de Poutine un paria condamné à vivre en autarcie. Enfin, la protection de l'OTAN n'a jamais autant paru nécessaire aux pays et aux peuples d'Europe de l'Est, terrifiés, menacés par un leader russe qui semble n'avoir aucune limite. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas tenter de s'entendre avec Poutine comme le prône Jean-Luc Mélenchon ? Bien sûr, dans un monde idéal, on négocie avec son voisin et on trouve un compromis de voisinage. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir à qui l'on parle et comment il nous parle. Il faut prendre Poutine au mot et je ne suis pas sûr qu'on a bien regardé son allocution de jeudi matin, juste avant de lancer ses chars vers Kiev. D'abord, son objectif de guerre. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей. L'Ukraine est donc gouvernée par des nazis qui avaient pour but d'attaquer la Russie et que nous allons capturer, dit Poutine. Et je ne sais pas s'il y croyait vraiment, il y a aussi cet appel aux soldats ukrainiens à rétablir l'ordre. Уважаемые товарищи, ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Échec total, on en a parlé, aucun soldat n'a accueilli les Russes à bras ouverts, l'armée ukrainienne oppose une résistance héroïque et le sentiment patriotique en Ukraine n'a sûrement jamais été aussi fort. Et puis surtout, dans cette allocution, Poutine parle longuement de nous, occidentaux, ce qu'il appelle l'empire du mensonge, non pas comme des voisins avec qui il faudrait bien s'entendre, mais comme des ennemis irréductibles qui prétendent à la domination du monde et rêvent de détruire la Russie. C'est simple, nous sommes comparés à l'Allemagne nazie, celle avec laquelle Staline a eu le tort de vouloir composer en signant le pacte germano-soviétique de 1939. Voyez ce qu'en dit Poutine aujourd'hui. Но колоссальной ценой. Попытка ублажить агрессоров в преддверии Великой Отечественной войны оказалась ошибкой, которая дорого стоила нашему народу. Второй раз мы такой ошибки не допустим. Nous ne ferons pas deux fois la même erreur, dit Poutine en parlant de la guerre et de la guerre contre l'Allemagne nazie et en comparant Hitler et Biden en quelque sorte. Voilà le schéma de pensée de l'homme qui nous fait face. D'où ma question, Adrien Quatennens, puisque vous voulez négocier, il faut négocier. Quelles concessions pourrait-on faire, pourriez-vous faire à un dictateur impérialiste et expansionniste qui ne considère que les rapports de force, qui ne respecte ni les traités qu'il a signés, ni même sa parole? Que faudrait-il, selon vous, lui céder? Bon, d'abord, commencez par dire, et vous ne l'avez pas fait, nous ne sommes absolument pas ni des porte-parole et encore moins des partisans de Vladimir Poutine. Mais ça me semble être un préalable. C'était nécessaire parce que de le préciser, écoutez, ça paraît évident. C'est-à-dire que c'est évident, oui, si on croit les déclarations de Jean-Luc Mélenchon depuis plus de 10 ans, qui a dit à maintes reprises je n'ai rien. Vous voulez qu'on fasse le petit point? Alors, allez-y. Poutine est une graine de dictateur. Mars 2015, je ne suis pas pour Poutine, je suis contre. Mais je vous réponds parce que si vous voulez, dans votre manière de faire, ok, j'ai bien compris, mais dans votre manière de faire, vous instillez ce doute. Vous voyez, par exemple, il y a de véritables proximités idéologiques entre l'extrême droite française et Vladimir Poutine. Ça oui, quand M. Zemmour dit qu'il veut un Poutine français, quand Mme Le Pen va le rencontrer, il y a des proximités idéologiques. Nous, simplement, l'idée, c'est que peu importe que les régimes en présence nous plaisent ou pas, l'objectif étant 1) la paix, 2) les intérêts des Français, eh bien, on discute avec tout le monde. Et voilà. Sur les peuples. Et d'ailleurs, vous, vous dites pas autre chose. Vous dites, en effet, faut négocier. C'est-à-dire que je vous entends dire, en effet, ce soir, Patrick Cohen, que vous n'êtes pas non plus favorable à la guerre totale, que personne d'ailleurs ne peut raisonnablement souhaiter, sauf les apprentis de la géopolitique pour les nuls qui, sur fond de campagne présidentielle en Berne, sont obligés à toutes sortes de provocations. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord, il y a une chose dans l'extrait que vous avez passé sur l'objectif de Poutine, la démilitarisation de l'Ukraine. Et la dénazification. Non mais alors, bon, ça, je lui laisse ses propos, mais en tout cas, ça, ce n'est pas possible. Parce que tout à l'heure, on a parlé du statut neutre, qui ferait qu'en effet, les Russes auraient une garantie de sécurité qu'ils demandent depuis bien longtemps. Et donc, nécessairement, que les Ukrainiens aient aussi des garanties pour leur sécurité. Les Ukrainiens qui ne menaçaient personne, vous êtes d'accord ? Évidemment. Mais disposer de son armée, ce n'est pas la même chose, ça c'est nécessaire. Par exemple, la Suisse, qui est en effet dans une situation neutre, mais qui dispose de son armée et qui en bénéficie, c'est une condition de la souveraineté. Donc, que faut-il obtenir ? Encore une fois, avant que Vladimir Poutine décide de faire la guerre, parce qu'il l'a seul décidé de faire la guerre. Et donc, j'étais très clair sur ce qu'il nous faut exiger, le cessez-le-feu, le retrait des troupes, et le retour de la diplomatie. Vous êtes obligé, Patrick Cohen, de considérer les éléments qui nous ont amenés à ce conflit. Il y a essentiellement deux enjeux sur place. D'abord, la question des frontières, avec les accords de Minsk que la France et l'Allemagne ont contribué à faire adopter en 2014, qui n'ont pas été respectés. Le gouvernement ukrainien en porte aussi une assez large responsabilité d'une part, d'où notre proposition d'une conférence internationale des frontières, qu'on discute de ces sujets qui sont sur la table, que vous et moi on en soit d'accord, ils sont sur la table, plutôt que de faire la guerre, d'une part. La deuxième, c'est nos propos sur l'OTAN. Vous êtes obligé de considérer le nouvel ordre géopolitique que nous avons sous les yeux. Vous avez d'un côté des États-Unis, puissance économique déclinante, sur lesquelles la Chine a pris le pas, qui aujourd'hui tiennent debout et exhibent leur puissance à travers deux moyens. D'abord, le fait que le dollar reste la principale monnaie de réserve et d'échange. Deuxième moyen, l'expansion militaire tous azimuts. Je m'arrête un instant là-dessus, Patrick Cohen. Le fait que l'OTAN avance toujours plus à l'est. Et que Vladimir Poutine, quelle que soit sa psychologie, d'un point de vue rationnel, et quoi qu'on pense de ce qu'il a décidé de faire qui est inacceptable, je le répète, ça me semble nécessaire, eh bien, considère en effet cela comme une menace. Vous savez, l'OTAN n'a pas bougé depuis 2008, depuis 14 Patrick ans. Cohen, puisque je comprends, il n'y a pas de projet d'expansion. Écoutez-moi, puisque je comprends que c'est plutôt quand Jean-Luc Mélenchon le dit que ça vous pose problème plutôt que le contenu des propos. Écoutez ce que dit, par exemple, Dominique de Villepin. Écoutez ce que dit, par exemple, Hubert Védrine, Il était face à moi, à mon micro, hier. Hubert Védrine, écoutez-moi un instant pour le téléspectateur, qui dit « La localisation des systèmes antimissiles pour inhiber les Russes au prétexte de contrer les systèmes iraniens ont été des erreurs. » Mais, encore une fois, j'ai sous les yeux l'interview de très bonne facture du général qui se trouve à ma gauche. Sur l'OTAN, Vincent Desportes, qui d'ailleurs voulait préciser sa pensée, avec le général Desportes quand il disait, dans un passé récent, à propos de l'OTAN, l'alliance est un leurre. Elle affaiblit les Français car elle ne leur permet pas de parler au monde et de défendre leurs valeurs. Est-ce que vous voulez bien laisser le général parler pour lui-même ? Il dit que l'existence même de l'OTAN est un outil de maintien et de renaissance des tensions en Europe. Patrick Cohen, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur le fait que l'OTAN, entendez-moi, participe d'un maintien et même, comme le dit le général, d'une renaissance des tensions en Europe. Alors, général, vous voulez bien préciser une politique dont vous parliez, il a peut-être changé, peut-être bougé un peu depuis une semaine. Écoutez, vous dites que ça a dynamité le programme de Jean-Luc Mélenchon, mais vous étonnez pas du fait que ça a aussi dynamité l'acte de Monsieur Hollande qui disait la Russie n'est pas une menace. Ouais. C'est Jean-Luc Mélenchon qui protestait contre le fait que Monsieur Macron reçoive en grande pompe Monsieur Vladimir Poutine à Versailles, par exemple. Peut-être qu'on aurait pu, en effet, considérer les choses autrement. Général Très bien. D'une part, je ne retire rien à ce que j'ai dit. Alors, on a une perception de l'OTAN différente ce lundi de celle qu'on pouvait avoir mercredi dernier. Tout a changé en une semaine. Et on est dans un cas de guerre et il est clair aujourd'hui que l'union des pays est absolument nécessaire. Quand j'ai dit ça, je l'ai dit pour plusieurs raisons. D'abord, je suis d'accord avec mon voisin de droite pour dire que l'OTAN a accru les tensions en Europe. L'OTAN est une administration dont le premier but était de perdurer. Donc on est allé s'inventer des ennemis, en particulier en Afghanistan. Voilà. Une institution veut perdurer. Donc c'est une administration avec des gens qui font carrière. Les Allemands font carrière dans l'OTAN, les Hollandais font carrière dans l'OTAN. Il y a énormément de gens qui ont intérêt à ce que l'OTAN perdure dans son être. Général, l'extension a été souhaitée par les peuple. Je continue. C'est pas un jeu de géographie. Les pays de l'ex-bloc de l'Est n'avaient qu'une idée en tête, c'est d'intégrer l'OTAN pour se protéger de la menace russe. La politique réaliste, l'Ukraine souhaite rentrer dans l'OTAN, vous serez probablement d'accord avec moi sur le fait qu'il ne faut pas l'admettre demain matin dans l'OTAN. Oui. Donc, peut-être que si on l'y avait mise, on n'en serait pas là aujourd'hui. Hein. Peut-être, mais peut-être que si l'OTAN avait été dissoute, comme cela avait été promis aux autorités soviétiques au moment de la chute du mur, alors nous n'en serions pas là. Et qui a fait cette promesse? Eh bien, vous savez très bien que cette promesse a été faite aux dirigeants soviétiques. Enfin, tout le monde le dit. Mais elle est dans aucun texte, c'est pardon, non. Mais qui non. Non, vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire ça parce que je peux pas vous le dire maintenant. Mais ça a été dit. Ça a été reconnu par tout le monde. Alors vous pouvez dire maintenant que ce n'est pas vrai. Mais si, ça a été dit. Il est clair que le pacte de Varsovie ayant cette promesse a été fait à Yeltsin du côté russe, du côté allemand c'était Nicole, je crois, et du côté américain c'était le secrétaire d'État. Bon. Voilà, ça a été fait. Ça n'a pas été fait. Alors, je vais expliquer une histoire. Est-ce que j'ai 3 minutes? Non, vous en avez moins que ça. Bon, alors je continue. Pourquoi ai-je dit à un moment donné que l'OTAN était une menace? Parce que elle confie la sécurité des Européens à un pays qui s'appelle les États-Unis. Mais non. Qui a des intérêts de plus en plus divergents des intérêts européens. Les États de l'OTAN ne sont pas inféodés aux décisions des États-Unis. Absolument pas. Chaque État est libre ou pas. La preuve par l'Irak. Exactement. Chaque État est libre ou pas de participer aux actions militaires. Aujourd'hui. C'est pas une obligation. Les pays européens, hors la France, ont désarmé, dont l'Allemagne, qui vient de faire, de changer. Marche arrière, justement. Qui vient de faire marche arrière. Pourquoi? Parce que les Américains, l'OTAN leur a dit, vous êtes protégés. La baisse des budgets européens de défense est due à l'illusion que les États-Unis allaient protéger. Or, nous remarquons que les États-Unis, que je connais relativement bien pour avoir vécu longtemps aux États-Unis, ont laissé tomber Chiang Kai-shek en 49, ils ont laissé tomber leurs amis vietnamiens en 75, ils ont laissé tomber leurs amis irakiens, ils ont laissé tomber leurs amis afghans, ils n'ont pas été bombardés, monsieur non. Assad, en 2013. Donc, il y a un manque. Donc, confier sa défense ultime à quelqu'un dont la parole est historiquement non fiable me paraît absolument dangereux. D'autant plus que, pour comme conclure, vous le savez, une question de Pierre à suivre. On a un découplage actuellement entre l'Europe et les États-Unis. Il n'y aurait pas eu cette affaire-là. On a eu l'affaire des sous-marins russes. On a un découplage. L'Amérique, depuis que M. Obama a dit qu'il était un président du Pacifique, l'Amérique, pour de bonnes raisons, s'intéressait d'abord à l'Asie. Et donc, le problème européen n'est pas son problème. Les intérêts américains, les raisons pour lesquelles les Américains sont venus en 1917 en Europe et en 1943 n'existent plus maintenant. Nous devons être prêts à assurer notre défense et tant que nous croirons que les États-Unis viendront nous défendre, eh bien, nous ne serons pas défendus. Le soldat Ryan ne reviendra plus jamais mourir sur nos plages. Et Joe Biden l'a dit, je n'enverrai pas un soldat mourir pour l'Ukraine. Il l'a répété lui-même. Et Trump l'a dit de manière extrêmement claire. C'est pour ça. L'OTAN nous donne une illusion de défense et fait baisser nos budgets militaires. Il est temps de retrouver une souveraineté. Non, une question de Pierre Lescure et vous réagirez dans un instant. D'ailleurs, s'y trompe pas. Moi, j'ai vu hier passer un sondage, je crois, d'Harris Interactive. 96% des Français, et je crois qu'on est tous d'accord, disent que Poutine est responsable. Mais vous avez 68% des Français qui disent que l'OTAN a une part de responsabilité dans la situation. Et je pense que c'est une vérité. Et donc, ce week-end, un tabou a été levé en Allemagne. Vous l'avez évoqué d'un mot. Le chancelier Scholz a non seulement annoncé que l'Allemagne allait livrer des armes à l'Ukraine, mais qu'elle engageait dorénavant un budget d'investissement annuel pour sa défense. On l'écoute. Wir werden dafür ein Sondervermögen Bundeswehr einrichten. Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Die Mittel werden wir für notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben nutzen. Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts. Applaudissement du Bundestag. C'est un tournant. Très bien, mais c'est vraiment très bien. Je trouve qu'il y a une prise de conscience de l'Europe, enfin chacun l'a noté, qui est exceptionnelle. Donc moi je pense qu'il faut comprendre deux choses. D'une part que effectivement nous devons être capables nous-mêmes d'assurer notre défense. Je ne dis pas qu'il faille sortir de l'OTAN, mais il faut que l'Europe puisse parler. Il faut absolument créer un pilier européen dans lequel les intérêts européens soient pris en compte, intérêts dont je disais et dont je répète qu'ils sont de plus en plus divergents des intérêts américains. C'est fondamental. On continue à évoquer l'actualité ukrainienne. Vous l'aviez dit, la question des réfugiés est aujourd'hui sur la table. On en parle avec Mohamed Bouabsi. Mohamed, les combats et la vie sous les bombes pour les uns, l'exode pour les autres. Ils sont déjà près de 500 000 Ukrainiens à avoir quitté leur pays. Plus de la moitié sont entrés en Pologne et leur nombre continue d'augmenter. Mélanie Nunez et Stéphane Lopez sont à la frontière ukraino-polonaise pour C'est dans l'air. Ils ont rencontré une mère de famille qui a fui l'Ukraine. Mon mari est maintenant à la Як це називається, коли їх призвали до великої війни з Росії. І він сказав, що вам треба уїхати, тому що ви залишитеся одні, і у вас нікого не буде допомогти нічим. І дуже небезпечно знаходитись зараз в Україні. І тому я двоє суток ми добиралися до Ukraine. Le commissaire européen chargé de la gestion des crises prévoit plus de 7 millions de déplacés en Ukraine en cas d'aggravation du conflit. Nous assistons à ce qui pourrait devenir la plus grande crise humanitaire sur notre continent, selon les dirigeants de l'Union européenne. Plusieurs candidats à l'élection présidentielle ont d'ores et déjà affirmé que la France devait accueillir les réfugiés ukrainiens. Accueil des réfugiés, notamment. Bien sûr. On est là en plein au cœur de la Convention de Genève. Tout ça doit se faire évidemment sous l'égide du Haut Commissariat aux réfugiés. La France doit accueillir sa part de réfugiés, bien évidemment, parce que là, on est en plein dans la Convention de Genève. Je pense que si nous sommes solidaires de l'Ukraine, c'est le moment de le manifester. On doit en prendre notre part de réfugiés. Ces pauvres gens subissent un sort auquel ils ne s'attendaient pas. Une seule voix a refusé l'accueil des victimes de cette guerre, c'est celle d'Éric Zemmour. Il y a le cœur et il y a la tête. Nous sommes tous émus et légitimement par ce malheur ukrainien. Mais il y a après la tête. Et l'homme d'État, c'est celui qui voit plus loin que l'émotion. Donc vous seriez le seul parmi les candidats à ne pas vouloir accueillir de réfugiés. Vous le dites, j'assume. Plusieurs dizaines de cars sont partis de Paris ce week-end pour rejoindre l'Ukraine, la plupart avec du matériel humanitaire, d'autres avec des femmes et des hommes qui veulent prendre les armes. En France, l'accueil des réfugiés s'organise. Camille Schmitt et Audrey Payas ont rencontré une famille française de Frétois en Seine-et-Marne. Dès le début de l'invasion de l'Ukraine par les Russes, ils ont pris la décision de recevoir des Ukrainiens chez eux. Un soir, dans la voiture, j'ai entendu parler de ces infos. Donc on en a débattu un petit peu ensemble, puis on a décidé très vite de se positionner sur l'accueil de famille. Une soirée, même pas. Moi, c'est en quelques heures, finalement, ça s'est assez vite conclu. Il y a la barrière de la langue, il y a la gestion émotionnelle aussi, parce qu'on sait qu'ils ont traversé des choses pas faciles, il y en a qui ont laissé de la famille là-bas. Ça va être difficile pour eux, dans le sens que ils vont nous voir, notre famille, avec notre maison. Eux, ils ont sûrement tout perdu là-bas chez eux. Ils ont même commencé à aménager leur maison pour faciliter l'accueil de ces réfugiés ukrainiens. Alors là, on est à l'étage de notre maison. C'est un étage qui ne nous servait pas et qu'on a décidé d'aménager pour accueillir une famille. Et ici, vous avez un petit salon qu'on a organisé. Ici, on va essayer de faire un petit coin et cuisine. Là, vous avez une première chambre. Et au bout du couloir, vous avez une deuxième chambre et une salle de bain. On va avoir de quoi aménager un petit coin cuisine. On va avoir un deuxième lit pour aménager la deuxième chambre. On demande un petit peu mobilier aussi pour qu'il puisse y avoir des commodes, des vêtements, des jouets, etc. Évidemment, on les accueillera en bas pour les repas, etc. Bonsoir Irina Karpa. Bonsoir. Vous êtes écrivaine, scénariste, originaire de Kiev, ancienne secrétaire déléguée aux affaires culturelles de l'ambassade d'Ukraine à Paris, ce qui explique que vous vous y êtes installée dans notre capitale depuis 6 ans désormais. Quand vous voyez ces familles françaises prêtes à accueillir certains de vos compatriotes, vous vous dites que le peuple ukrainien est moins seul? Ça me touche beaucoup. J'étais très très très émue parce que tous ces jours, on travaille avec les Ukrainiens à l'étranger, partout en Europe, pour accueillir les personnes déplacées. Et je sais qu'il y a beaucoup de citoyens de l'Union européenne qui sont prêts à accueillir aussi. Mais en fait, c'est la première fois vraiment que je vois quelqu'un comme ça qui parle. C'est vraiment très très touchant. Et voilà, les Ukrainiens sont très débrouillards, donc ils vont apprendre très très vite la langue. Ça, je vous assure. En fait, il y a beaucoup qui parlent déjà anglais, donc. Et aujourd'hui, on a finalement présenté le plateforme qui s'appelle Shelter for Ukraine. Je sais où en fait les gens de l'Europe, ils peuvent mettre leurs propositions d'accueil et les autres, ils peuvent chercher. Donc ça va faciliter les choses. Une partie de votre famille est toujours en Ukraine, à l'ouest du pays. Votre mère en particulier, avec laquelle j'imagine vous êtes en contact permanent pour l'instant, elle est préservée ou est-ce qu'ils pensent qu'ils vont devoir fuir ? Non, ça va pour le moment parce qu'elle habite. Mes parents, ils habitent dans les Carpates. C'est un tout petit hôtel dans la montagne où ils accueillent le plus de gens possible pour le moment. Les chiens, les chats, voilà. Donc là, tout ça parce que les Ukrainiens ne laissent jamais leurs animaux. Et donc là, elle me dit que oui, normalement ça va. Mais ils ont installé les gens partout dans la maison, donc il manque maintenant des coussins, des couvertures. Je dis mais c'est pas grave. Elle dit mais non, pas besoin d'argent, je me débrouille. Donc là, c'est un peu comme ça l'esprit de ma mère. Mais sinon, j'ai beaucoup d'amis très très proches qui sont restés à Kiev. Et qui ne veulent pas partir. Et qui ne veulent pas partir. Vous les comprenez? Je les comprends, bien sûr. Je les comprends parce qu'il y a ceux qui disent que il y a le business, il y a toute leur vie qui est là-bas. Donc là, ils veulent pas fuir. Ils disent que non, on va rester ici. On va protéger notre pays. Je crois qu'il y a que 10% de Kieviennes qui sont partis. C'est pas beaucoup. C'est étonnant. Il y a les femmes qui disent que non, si mon homme est mobilisé, je peux pas partir sans lui. Et il y a ceux qui ont les parents qui sont ou les grands-parents qui sont trop vieux pour être quittés seuls, donc ils disent non, je reste ici pour les occuper, pour m'occuper d'eux. Voilà. Donc là, il y a un peu de ça, mais ils sont très très forts malgré que je reçois les témoignages très différents d'une copine journaliste qui dit je me cache dans la salle de bain avec mon chat. Donc il y a les gens qui descendent dans les parkings souterrains. Voilà. Donc là, ceux qui nous on a que le mur porteur et que c'est là qu'on s'abrite. Donc là, c'est vraiment, il n'y a pas d'abri pour tout le monde. Les gens se débrouillent comme ça, mais ils se préparent. Donc ils font les cocktails Molotov et donc ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Parmi les personnes qui cherchent à fuir l'Ukraine, il y a eu des étudiants d'origine africaine. Il y a eu notamment des étudiants somaliens, du Nigeria, des Indiens aussi, qui affirment avoir été empêchés de monter dans des trains ou des bus aux frontières avec la Pologne notamment. Et quand, au bout de plusieurs heures d'attente, voire des jours, certains ont pu enfin faire la traversée, le parcours du combattant se poursuivait, puisque les hôtels en Pologne, par exemple, étaient réservés, selon les Polonais, aux Ukrainiens. Alors, ils dénoncent aujourd'hui des discriminations. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Là, on est prêt, en fait, à dégager un peu les Ukrainiens, tous les réfugiés qui sont en Pologne. On le propose constamment. Ça m'étonne, c'est étrange, mais bon. Il peut me contacter directement, je veux le mettre en contact avec ceux qui coordonnent en fait l'accueil de réfugiés. Donc on va dire carrément que c'est quelqu'un qui fuit l'Ukraine. Donc il y a aucune raison que cette personne soit empêchée d'avoir l'abri et le refuge. Tout aussi discutable en France, sur les plateaux de télévision, on a entendu des comparaisons entre les réfugiés. On ne parle pas là de Syriens qui fuient les bombardements du régime syrien soutenu par Vladimir Poutine. On parle d'Européens qui partent dans leur voiture, qui ressemblent à nos voitures, qui prennent la route et qui essayent juste de sauver leur vie, quoi. Ce sont des Européens de culture, même si on n'est pas dans l'Union Européenne, on est avec une population qui est très proche, très voisine. Il y a une différence entre les Ukrainiens qui, encore une fois, participent de notre espace civilisationnel avec des populations qui appartiennent à d'autres civilisations. Ce seront des intellectuels, pas seulement, mais on aura une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit. Est-ce qu'il y a des réfugiés qui valent mieux que d'autres, Adrien Cadenas? Non, moi je suis absolument estomaqué par ce qu'on entend là et ce que ça suppose, en fait. Non, on est juste rappelé aux causes communes de ce qui fait sens entre nous tous, c'est l'humanité, voilà, et accueillir les réfugiés en période de guerre, comme on le voit là, c'est juste un devoir d'humanité. Enfin, on s'évertue, y compris quand il n'y a pas ce contexte terrible, à réexpliquer qu'il y a des causes aux mouvements de population. Les mouvements de population, c'est vieux comme l'histoire de l'humanité, et le débat public est souvent pourri par comment on fait pour les empêcher d'arriver, sans jamais se poser la question de savoir comment on peut faire pour que les gens n'aient pas à partir de chez eux. D'abord, quand ils sont à nos portes, il y a un devoir d'humanité. Par contre, traiter la question des causes des mouvements de population, évidemment. Donc là, en l'espèce, les guerres, les conflits dans lesquels la France doit pouvoir être une puissance médiatrice. Il ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, il y a aussi un rapport extrêmement alarmiste du GIEC qui prévoit des mouvements de population sous l'effet du changement climatique. Tout ça, c'est des éléments auxquels il faut se préparer. Donc faire le tri entre les réfugiés, pardon, mais je ne trouve pas ça extrêmement décent. On a vu le peuple ukrainien qui résistait plus que ce qu'imaginaient peut-être les forces russes. Vous êtes fière, j'imagine, de votre peuple. Oui, je suis très fière. Et de votre président qui s'est transformé en véritable chef de guerre. Voilà, oui, j'étais très sceptique. Je votais pas pour lui, mais franchement, là, c'est vraiment, il a montré du vrai courage, quand même. Mais il y a, en fait, en ce moment, je sais pas si vous êtes au courant, mais je reçois des updates, des actualités de mes amis qui sont là-bas. Il y a vraiment une chose très, très très sérieuse. Donc, il y a une catastrophe humanitaire qui est en train de se dérouler à Volnovakha et Melitopol. Les gens sont coupés pour le moment des lumières, de l'eau, de nourriture, de provisionnement. Et l'Ukraine, de son côté, avec le Croix-Rouge, avec l'ONU, ils sont prêts d'établir le corridor, voilà, pour les évacuer. Un corridor humanitaire. Mais il faut la réponse de côté russe, de côté pro-russe, de côté de leur côté. Donc les gens sont coupés. Ils essayent de marcher même avec les drapeaux blancs, mais ils sont fusillés quand même par les forces russes. Et ça, c'est vraiment très très important de poser l'attention des médias sur ce problème ici. Merci beaucoup Irina Karpa d'être venue ce soir sur le plateau de C'est à vous. Merci Général Vincent Desportes d'être venu. On poursuit l'actualité avec le 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Mathieu. Dans la France, en France, l'actualité, c'est le salon de l'agriculture. Oui, ouvert par Emmanuel Macron samedi matin l'an dernier, le Covid avait eu raison de l'événement. Alors le président a tenu à y faire une apparition pour retrouver les agriculteurs, les saluer, les remercier. Iban Raïs et Audrey Payas étaient sur place pour cet avou. Le salon des retrouvailles marque la fin de cette pandémie, en tout cas le début de sa fin. Et pendant plus de 2 années, vous avez tenu. Deuxième message, c'est au fond celui justement de cette souveraineté alimentaire. La mission de nourrir le peuple français, celle que notre agriculture a historiquement toujours remplie, nous sommes en train de complètement la réinventer pour continuer à avoir une alimentation à chaque fois de meilleure qualité, toujours nous améliorer, pour en même temps relever les défis de la transition environnementale et de la biodiversité. Alors cette année, le président n'a pas pu jouer le record du temps de visite, ni vraiment la campagne présidentielle, trop pris par la crise ukrainienne bien sûr. Alors c'est Jean Castex qui a caressé des animaux de la ferme devant les caméras. Regarde, bien Romain, voilà. Monsieur Castex, c'est important un petit peu de douceur pendant cette campagne, un agneau c'est important ou pas? Un petit peu de douceur. Tout est important. Monsieur Castex, ils vous ont dit quoi les agriculteurs? Évidemment, ils sont très inquiets, et je les comprends, ils sont très inquiets, ils traversent des périodes très difficiles. En fait, nous avons une crise nouvelle qui est devant nous, mais la philosophie est la même. On va protéger les Français, on ne laissera pas tomber ni nos agriculteurs ni les autres. Adrien Quatennens, le programme du candidat Jean-Luc Mélenchon promet le plein emploi en passant spécifiquement par l'agriculture, quand on regarde dans le détail. Mais pour aller un peu vite, plus de main-d'œuvre dans les exploitations, c'est aussi un coût plus élevé pour nos aliments. Il faut en passer d'une agriculture qui aujourd'hui est extrêmement intensive, productiviste, sur de très grandes surfaces avec beaucoup de chimie et peu de main d'œuvre, à une agriculture en effet relocalisée, paysanne. Et ça nécessite d'abord d'une part une forme de protectionnisme aux frontières à nos frontières, parce qu'en effet si on, par exemple, on dit à nos agriculteurs on va se passer des pesticides et faire une agriculture paysanne biologique, il faut que les produits qui arriveraient d'ailleurs plein de pesticides ne puissent pas rentrer aussi facilement pour pas les mettre en difficulté. Mais oui, la planification écologique qu'on appelle de nos voeux, il y a notamment dedans la transition agricole, mais tous les secteurs confondus, c'est 1,5 million d'emplois nets à créer. Par exemple, il va nous falloir 300 000 paysans de plus pour faire ce que je viens de vous raconter. Donc quand on a un programme comme le nôtre, en effet, on ne se pose pas la question de savoir si on va manquer de travail. Il va y avoir beaucoup de tâches à accomplir. Par contre, on va devoir, oui, former les femmes, les hommes pour toutes ces filières qu'on va devoir monter. C'est le cas de la transition énergétique, des transports. Il y a des tas de choses à faire. Et puis après aussi, en matière d'emploi, il y a des méthodes efficaces. Par exemple, l'une qu'il faut remettre au goût du jour, c'est la question du partage et de la diminution du temps de travail. La productivité a beaucoup augmenté ces 20-30 dernières années et on n'a pas vu ni que le temps de travail diminue, ni que les salaires n'augmentent en proportion. Donc partager le temps de travail avec la planification écologique conjuguée, en effet, c'est un moyen de recréer de l'emploi et de l'emploi net. Pas les emplois précaires qui expliquent alors, les baisses du chômage qu'on nous vend actuellement. Là, on parlait d'agriculture, mais dans tous les domaines, plus de main-d'œuvre sont des coûts de production d'une manière générale plus élevés. À la fin, à la caisse, ça coûte plus cher. Écoutez, la France produit à peu près 2300 milliards par an qui sont extrêmement mal répartis. Le bilan de ce quinquennat, même si le principal protagoniste n'est pas encore descendu dans l'arène, c'est que 5 personnes, c'est-à-dire... Vous lui reprochez de ne pas l'avoir fait, là? Oui, parce que... Eu égard à la crise ukrainienne. Bon, évidemment, il y a la crise, il y a le contexte, et donc ça nécessite sans doute, j'en suis d'accord, une forme de sobriété. Pour autant, qu'il n'est pas, depuis tous ces mois, alors que c'est un secret de Polichinelle, vous savez depuis longtemps que M. Macron sera candidat, moi aussi, le fait qu'il n'ait pas assumé ni son bilan, ni le fait de dire ce qu'il allait faire aux Français, c'est-à-dire les faire travailler plus longtemps, un retour à des logiques austéritaires puisque la feuille de route a été rendue devant la Commission européenne, oui, ça pose un problème. Vous savez, le bilan de M. Macron, c'est le fait qu'aujourd'hui, j'allais dire, 5 personnes, c'est-à-dire moins que ce que nous sommes autour de la table en France, 5 milliardaires, possèdent autant que 27 millions de Français, 40% de la population. Et cela n'est pas tombé du ciel, c'est le fruit de sa propre politique. Par exemple, dans la période Covid, c'est 240 milliards d'accroissement du patrimoine des milliardaires de ce pays. Figurez-vous que 240 milliards... C'est un milliards, quoi qu'il en coûte aussi, qui a permis au pays de continuer à fonctionner, d'éviter les poches des milliardaires, d'éviter les licenciements. Là, je ne parle pas de ça. Je parle de l'appropriation de ces aides qui n'ont pas été significativement investies pour demain et pour l'emploi. Il n'y a pas assez d'investissements productifs dans ce pays. C'est tout le problème. Et ce que nous proposons, nous, au contraire, c'est d'en revenir à un investissement productif et d'offrir non plus cette foire aux dividendes qu'on a vue, mais une forme de visibilité, de prévisibilité sur le fait de dire « nous avons des grands défis à accomplir, au premier desquels le changement climatique, et donc l'économie de ce pays doit se mettre au service de ces grands défis. » Et puis surtout, soulager la vie des gens, parce que pendant que certains se gavent dans des proportions considérables, c'est que toutes sortes d'orateurs de gauche ont pu vous dire ça à cette table. Mais là, c'est des records cette année en pleine pandémie. Et pendant ce temps, les Français, c'est 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, 8 millions qui dépendent de l'aide alimentaire. Derrière ces chiffres, il y a des réalités quotidiennes, des gens qui ont peur d'ouvrir leur boîte aux lettres, qui ont l'angoisse de savoir si on pourra honorer leurs factures. Donc oui, proposer l'augmentation des salaires, des minima sociaux, partager, quoi, tout simplement. C'est ce qu'il faut faire urgemment. Ce pays subit aussi une urgence sociale, il faut bien le voir. La présidentielle, toujours, les équipes de C'est à vous ont suivi la candidate de Lutte ouvrière. Oui, Nathalie Arthaud, que Louis Amar et Anaïs Recouli ont interrogé. Candidate qui n'a jamais décollé dans les sondages, qui était sous les 1% de voix aux deux dernières présidentielles. Mais Nathalie Arthaud a obtenu ses 500 parrainages très tôt. Pour moi, le fait d'avoir eu les 500 signatures assez rapidement, c'est une forme de reconnaissance en fait. Ça a toujours été un défi pour nous de les avoir, ça a toujours nécessité beaucoup d'engagement militant. Si on les a, c'est à la force du poignet, c'est à la force du poignet. Mais vous savez, voilà, c'est aussi ce que nous représentons, nous, Lutte ouvrière. Encore une fois, on fait partie du monde du travail. On sait que jamais rien ne nous tombe tout cuit dans le bec. Voilà. En réalité, tout ce qu'on a, il faut aller l'arracher. Alors, comme à beaucoup de candidats, nous avons demandé à Nathalie Arthaud de lister 3 propositions fortes de son programme et de nous les présenter. Première proposition, ce serait l'abolition du secret des affaires, ce qui permettrait aux travailleurs d'aller voir les comptabilités des grandes entreprises et de réaliser qu'il y a de l'argent. Deuxième mesure, je pense qu'il y aurait bien sûr des luttes pour augmenter les salaires, de 300, de 400, de 500 euros et pour porter le SMIC à 2000 euros net. Troisième mesure, on répartirait le travail. Ça veut dire qu'il y aurait des embauches, qu'on travaillerait moins, qu'on travaillerait tous. Et là, on pourrait arriver à zéro chômeur. Nathalie Arthaud qui tient, Adrien Quatennens, à se distinguer des autres candidats de gauche. Pour elle, c'est Lutte ouvrière qui représente les travailleurs. Candidature, est-ce qu'il la différencie de celle des candidatures de gauche? C'est de dire au monde du travail que nous avons nous-mêmes la capacité de changer notre sort. Jean-Luc Mélenchon, c'est voter pour moi, et puis vous verrez, moi. Bon, une personne ne peut pas incarner le rapport de force qui est nécessaire. Il faut vraiment une force sociale en révolte et qui se mobilise. Je ne dis pas voter pour moi et puis vous aurez les jours heureux quand vous vous réveillerez le lendemain. Non, les jours heureux, soit on se bat pour les obtenir, pour les arracher. Mais pour ça, il faudra changer toute la société. Il faudra renverser le capitalisme. Alors, vous lui répondez quoi, Adrien Quatennens? Jean-Luc Mélenchon n'est pas assez collectif pour les travailleurs? Lui ou Fabien Roussel, il tire trop la couverture vers eux? J'ai pas grand-chose à lui répondre. Vous voyez que sur le diagnostic qu'elle pose par rapport à l'essai d'augmenter les salaires, de partager les richesses, je crois qu'elle pourrait très largement s'y retrouver. Et que par ailleurs, sur la question du pouvoir d'un seul homme, il vous aura pas échappé que la 5e République, qui est d'essence monarchique, on veut s'en passer pour passer à une 6e. Et permettre au peuple de se refonder à travers une assemblée constituante. Non, pour le reste, on est là, je crois, à quelque chose comme 40 jours de l'élection présidentielle. Et il y a 6 mois, on se serait retrouvé sur ce plateau. Vous auriez peut-être été quelques-uns à me dire le deuxième tour entre M. Macron et Mme Le Pen, il est inéluctable. Il vous aura pas échappé que le tableau a quand même un peu bougé. Et ce qu'il y a d'assez net aujourd'hui, là, il y a plusieurs sondages qui paraissent aujourd'hui, qui montrent que Jean-Luc Mélenchon est devant Valérie Pécresse, à 12,5%, devant donc Valérie Pécresse. Donc, dès lors que cela se confirme, dès lors que Jean-Luc Mélenchon est devant la droite républicaine, ça veut dire que la question qui est posée aux électeurs, en réalité, c'est face à M. Macron, qu'est-ce que vous mettez? une nuance d'extrême droite comme les deux qu'on voit là, ou un candidat qui vous propose une rupture démocratique, sociale, écologique. Je précise par ailleurs que si vous retirez du discours de Madame Le Pen et Monsieur Zemmour tout ce qu'ils racontent sur l'immigration, non pas que ce soit pas un sujet qu'il faut traiter, mais pas de cette manière, la question de l'immigration, leurs obsessions sur l'identité, etc. Si vous retirez leur discours de ces mots-là, qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste des nuances de macronisme. Les quatre qu'on voit là, à part Jean-Luc Mélenchon, sur votre tableau là, les quatre ont l'intention de faire travailler les Français plus longtemps. Madame Le Pen vient de renoncer à la retraite à 60 ans. Les quatre, d'aucune façon, ne vont s'employer à faire ce que j'appelle de mes voeux avec Jean-Luc Mélenchon, partager les richesses. Donc oui, je dis au peuple français, vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour vous inscrire sur les listes électorales, pour augmenter le niveau de la participation. Et pour faire en sorte que, et on le voit, le second tour est à portée de main en réalité. Et la dernière fois, il ne vous aura pas échappé qu'à la mi-mars, on n'était qu'à 10%, 10, 11%, et que Jean-Luc Mélenchon est passé de la mi-mars à la fin avril de 11 à 19%. Si on reproduit le même mouvement que la fois dernière, il nous en faut même moins pour arriver à nous hisser au second tour. Les réserves de voix chez Benoît Hamon, là, elles n'y sont pas. Patrick Cohen, il ne vous aura pas échappé qu'il y a un candidat dont pourtant vous parlez beaucoup, Fabien Roussel, avec qui nous étions alliés à deux reprises lors des dernières élections. Oui, globalement, les médias en parlent beaucoup. Et qui est aujourd'hui, aujourd'hui dans une situation où s'il était avec nous, eh bien, on serait déjà au second tour. Donc oui, donc c'est possible. C'est de la faute de Fabien Roussel. Non, pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit. Ça, c'est votre traduction de la polémique. Mais ce que je dis, c'est qu'en tout cas, c'est possible et que Jean-Luc Mélenchon au second tour, c'est une possibilité. Merci beaucoup, Adrien Quatennens. Génération Mélenchon, c'est votre livre qui est paru en Seuil en novembre dernier. Merci d'être venu. Dans un instant, le meilleur acteur. Dites-moi pourquoi toutes ces guerres, la haine, le sang et la misère. On est tous nés sur cette terre pour vivre heureux comme des frères. Dis-moi papa, pourquoi c'est mort? Thank you. Allez, une petite revue de presse. Mercredi 2 mars 2022, EHPAD, comment signaler les maltraitances? L'affaire Orpea a mis en lumière une forme de loi du silence. Loi du silence. Autour de la maltraitance à l'égard des personnes âgées. Que faire en cas de doute? Quel recours pour les familles? Il ne faut pas hésiter à en parler à l'établissement, au 3977, voire à la justice. Ah non, faut en parler à la justice. En parler encore à la justice. Et en parler toujours à la justice jusqu'à ce que la justice fasse son travail. Guy Grandcourt. Et si les cinq fontaines étaient remises en eau? Oui, c'est une idée. Les commerçants et artisans prennent à partie l'adjoint au commerce à Remiremont. Sound of Floyd entretient la magie Pink Floyd. Alors je vous lis pas toute la page parce que toute la page est truffée de mots anglais. Il y a au moins 30 mots anglais dans une page de, bon, c'est une page de publicité, hein. Oui. Pink Floyd and the Rolling Stones. Alors, il y a quelqu'un qui a ajouté Kennen Sie Französisch sprechen. Kennen Sie Französisch sprechen. Kennen Sie. 36 pages, dont 20 de sport. C'est ça le journal d'information Vosges Matin. Et puis les autres journaux, ça doit être pareil, hein. Ah oui, oui. Si on avait le choix, on choisirait entre la peste et le choléra. Et voilà. Et oui. C'est pour ça qu'on avait fait des radios libres, parce que la presse locale, nationale, radio, télé, etc., était pas. Bon, il n'y avait pas Internet à l'époque quand on a travaillé à la radio libre, hein. Mais voilà. François Ruffin. Bonjour, c'était juste pour prévenir que Xavier Niel a acheté un hôtel particulier parisien pour 200 millions. Que vous l'ayez en tête quand vous achèterez votre paquet de pâtes 57% plus cher à cause de l'inflation et qu'on vous dit que c'est difficile pour tout le monde. Alors, autre chose, cette crise géopolitique est riche en enseignements. On apprend qu'il n'est pas compliqué de, premièrement, couper le système SWIFT à tout un pays, donc aux paradis fiscaux. Deuxièmement, geler le patrimoine des milliardaires sans que personne ne bronche. Et puis ensuite aussi, accueillir des centaines de milliers de réfugiés. On s'en souvient de tout ça, hein? Ah oui, on a de la mémoire, on va s'en souvenir. On s'en servira le moment venu. Association Vivre sans thyroïde. Bonjour, la situation actuelle est en effet inquiétante. Et encore bien plus pour les personnes habitant dans les zones concernées. Les zones concernées, ben oui, Tchernobyl, on a déjà été concerné, hein. Pour ce qui est de l'iode, il faut savoir que les comprimés ne sont utiles que, Q-U-E en majuscule, quand on a encore une thyroïde qui fonctionne. Et uniquement quand il y a eu un accident nucléaire dans les heures qui précèdent l'arrivée du nuage. Alors, quand il y a eu l'accident à Tchernobyl, eh bien, il y a des personnes qui ont été contaminées et à qui on a ôté la thyroïde. Alors, ces personnes-là, c'est plus la peine qu'elles prennent de l'iode, hein. Voilà, voilà, ouais, c'est ça le nucléaire. Mais il y en a qui persévèrent, hein, qui continuent à aller vers le nucléaire, dans le nucléaire. Ukraine nucléaire, communiqué de Jean-Luc Mélenchon, député des Bouches-du-Rhône, candidat à l'élection présidentielle. Un des 15 réacteurs nucléaires de l'Ukraine a été le lieu d'un combat. Un bâtiment a pris feu. La centrale où s'est déclenché l'incendie, désormais éteint, est la plus puissante d'Europe. Elle contient 6 réacteurs de 1000 mégawatts chacun. Elle se situe sur le fleuve Dniepr. La radioactivité portée par le vent et le sens de rotation de la planète peut contaminer la mer Noire et ensuite la Méditerranée. Tel est le terrible constat. La guerre met et mettra aussi partout l'humanité aux prises avec les risques sans retour du nucléaire civil en plus du nucléaire militaire. En Ukraine, le sarcophage de Tchernobyl nous rappelle le caractère irréversible de ce danger. Pour des milliers d'années, Tchernobyl est dangereux. Des milliers d'années. Dans ces conditions, Fukushima, c'est pas mieux. Dans ces conditions, pour toute l'humanité, la France devrait demander à l'ONU de mandater une force d'interposition comme elle l'a fait tant de fois ailleurs dans le monde, dans des endroits aussi violemment exposés. Ici, les casques bleus assureraient la sécurité devant chaque centrale en fixant une zone tampon contre les combats. Cet événement sur lequel nous avions alerté en temps utile nous rappelle que le nucléaire civil est une cible militaire possible et facile d'atteinte dans les guerres. En France, 40 millions d'habitants vivent en zone de contamination possible à moins de 100 km d'une centrale. C'est 60% de la population de notre pays. Dans l'immédiat, en temps de guerre en Europe, je demande le renforcement des mesures militaires et civiles de protection des sites nucléaires de notre pays. Signé Jean-Luc Mélenchon. Remiremont, Olivier Collin. Remiremont doit devenir incontournable. Je n'ai pas la traduction. Colonna justice. Colonna agressée. Sursaut nationaliste. Les proches d'Ivan Colonna mettent en cause l'État après la violente agression qu'il a subie en prison. Ça, c'est quelque chose, c'est une énigme. Une énigme. Pourquoi Ivan Colonna a été agressé de cette manière-là en prison? Comment se fait-il que les gardiens ne se sont pas aperçus de cette agression et ne sont pas intervenus? Agression qui a duré environ 8 minutes. Il y a beaucoup de questions à se poser à propos de ce fait. Il y a beaucoup de questions. Moi, j'aurais peut-être des commencements de réponse, mais bon, avec un point d'interrogation à la fin, hein, bien sûr. Remiremont, notre petite contribution peut apporter un grand réconfort. Alors, il s'agit de charité. Alors, moi, je dis, notre petite contribution, ça pourrait être une contribution qui pourrait être efficace, et efficace pour longtemps, c'est un bulletin de vote. Eh oui, un bulletin de vote. Faut voter intelligemment, faut voter pour Jean-Luc Mélenchon. Sinon on fait comme ont fait les Allemands en 1932, ils ont voté pour Hitler et ils l'ont regretté depuis. Hein. Ah oui, ça fait des décennies et décennies qui regrettent, hein, bien sûr, mais voilà. Valérie Pécresse à la rencontre des acteurs de la filière bois. On s'en fout. Je suis favorable à l'envoi immédiat d'une troupe d'élite pour sécuriser Kiev. Je sais pas qui a écrit ça, mais enfin bon. J'ai une petite liste de bérets verts particulièrement aguerris à suggérer. Raphaël Glucksmann. Alors, logistique, réseaux sociaux. Raphaël Glucksmann. Robert Ménard. Commando Jobert. Spécialité extraction. Robert Ménard. Julien Dray. Commando Uber. Nageur de combat. Spécialiste amphibie. Julien Dray. Bernard-Henri Lévy. Sniper virtuose. Spécialiste du combat de rue. Ah oui, on le voit souvent à la télé, quand il y a des combats de rue quelque part, il y va. Alors, pas trop près quand même des combats de rue, hein. Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy. Christophe Barbier. Peut tuer à peu près n'importe qui voit avec une écharpe spéciale. Ah oui, Christophe Barbier. Et son écharpe. Oh, la télé, c'est quand même quelque chose de bien. Oh oui, on est bien informé. Oh oui, on n'est pas transformé, on n'est pas déformé, on est informé. Uberisation Deliveroo jugé pour travail dissimulé. Corse, l'agression d'Ivan Colonna, un crime terroriste. Alors terroriste, qui veut-on terroriser et qui terrorise, voilà, dans ces cas-là. Oh, il y a des crimes parfois qui sont... c'est bizarre. C'est bizarre. très très bizarre. Qui pourra-t-on accuser dans 2, 3, 4, 5 ans d'être auteur de ce crime? Marion Maréchal rallie Zemmour. Marion Maréchal a officiellement rallié Éric Zemmour dimanche lors de son meeting de Toulon. Sans jamais citer Marine Le Pen dans son discours, son arrivée va-t-elle permettre au candidat de reconquête d'engager, d'enrayer sa baisse dans les sondages? Marion Maréchal, ex-députée FN et nièce de Marine Le Pen, a rallié Éric Zemmour sans toutefois adhérer au parti Reconquête. Alors, j'ai la certitude que la recomposition politique va advenir. Oui, ça se pourrait bien. Si les électeurs, si, etc., les citoyens se mettent à réagir, à réfléchir et réagir. Eh oui, ça va ensemble, c'est complémentaire, c'est obligatoire, c'est nécessaire. À Lyon, Mélenchon prend de la hauteur pour taper sur Macron. Il y a besoin de prendre de la hauteur pour taper sur Macron. Mais non, il a ras du gazon, Macron. Alors, régler les conflits par les discussions. Le pillage de la France par une poignée, notre camp est celui de la paix et ma tâche serait celle de régler les conflits par la discussion et les négociations, fussent-ils interminables. La paix pour changer le cours de l'histoire et changer la France. Voilà un homme qui parle bien, qui parle vrai. La France de Monsieur Macron, c'est 5 milliardaires qui possèdent autant d'argent que 22 millions de Français. Ils ont gagné en un an autant que ce qu'a dépensé l'État pour le Covid. Ce sont des parasites covidaires. Parasites, vous vous rendez compte? Le mot parasite, ce que ça veut dire? Eh oui. La France de M. Macron, c'est 9 millions de pauvres. C'est la honte. 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres. Ils n'ont pas honte, ces gens-là? Et ceux qui votent pour eux? Est-ce qu'ils ont honte? Ceux qui ont voté pour eux? Hein? Eh ben, qui vont arrêter de voter pour eux, bien sûr. Ben, parce que maintenant, ça y est, ça suffit quand même. Hein? On a droit à la bêtise, mais à la connerie, non. Avec la guerre, l'exode des populations qui fuient l'invasion russe et le sort des civils pris sous le feu des attaques en Ukraine crée une crise humanitaire majeure. Et encore, on est qu'au début de cette crise. Au tout début. Eh oui, la pauvreté va augmenter dans pas mal de pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit à nouveau en urgence lundi. Alors ça c'est un journal déjà un peu ancien, hein, donc la date de lundi, c'est périmé, hein, malheureusement. Les apprentis charpentiers formés aux nouvelles réglementations. Si on apprend la réglementation aux apprentis, où va-t-on? Oh là là là là. On va leur apprendre aussi qu'il y a des syndicats qui existent, hein? Des syndicats? Allons. Faut pas parler des syndicats, voyons. Ah non. Accident du travail mortel. La société Eguerre devant les juges. Le parquet du procureur de la République, a requis 60 000 euros d'amende à l'encontre de la société Eguerre suite au décès accidentel d'un chauffeur ukrainien au sein de son entreprise de Rambervillers. Les faits se sont produits en janvier 2019. Nous sommes en 2022. Vous vous rendez compte? Elle est lente, la justice. Elle est molle et lente, la justice. Oh, qu'elle est lente, la justice. Et est-ce que c'est par hasard? Allons. Peut-être pas, hein? Sûrement pas, même. Non, la justice, elle fait partie du système. Eh oui. Elle est complètement embourgeoisée. Hein? Dossel, l'incroyable histoire du gangster américain, fils d'un maçon des Vosges. Le pire ennemi d'Al Capone est le fils d'un maçon de Dossel. S'il n'a jamais mis ses racines françaises en avant, préférant se faire passer pour Irlandais, Bugs Moran, eh bien le fils de Jules Cunin, qui a émigré aux États-Unis pour chercher une vie meilleure et la fortune. Une vie meilleure et la fortune. Eh oui. Rien à voir avec les événements actuels, bien entendu. Ben non. Allons. Vous êtes vicieux, vous tirez des traits d'union entre des événements qui n'ont rien à voir entre eux. Allez. l'inquiétante course à l'armement de la Chine. La Chine a annoncé samedi un coup d'accélérateur sur ses dépenses militaires. Dans un contexte de tension mondiale ravivée par l'invasion russe en Ukraine et sa rivalité traditionnelle avec Taïwan, traditionnelle, je vois pas ce qu'il y a, enfin, et les riverains de mer de Chine méridionale. C'est reparti, le budget militaire de la Chine augmentera de 7,1% cette année, a annoncé le ministère des Finances. À l'ouverture de la session plénière annuelle de l'Assemblée nationale populaire, ANP, le Parlement chinois. Mais ils ont d'autres moyens de gagner la guerre économique, les Chinois. Mais oui. Ils sont en train de mettre... ils seront bientôt en mesure de mettre les États-Unis en faillite. Et peut-être une partie de l'Europe aussi. Eh oui, uniquement par l'économie. Par l'économie mondiale, par les marchés internationaux qu'ils ont conquis petit à petit. Et puis c'est pas fini. Hein, parce que l'ordinateur quantique, etc., c'est des choses qui sont, bon, hein, voilà, en projet. Hein. Avec cette enveloppe de 1450 milliards de yuan, c'est-à-dire 210 milliards d'euros, la Chine dispose du deuxième budget de défense mondiale. Après les États-Unis, la Chine dispose du deuxième budget de défense mondiale après les États-Unis, 676 milliards d'euros prévus pour 2022. Eh oui. Et si nos politiciens poussaient Poutine dans les bras de Xi Jinping, hein? C'est des choses qui peuvent arriver, ça. Oui. Quelles seraient les conséquences à court, à moyen et à long terme? Oui, je crois que la prochaine fois qu'on va voter, il va falloir faire très attention pour qui on vote. Oui, parce que notre vote, si on venait à voter pour Macron, par exemple, ben moi je prétends que ça aurait des conséquences catastrophiques pour trois générations. Notre génération à nous, celle de nos enfants et celle de nos petits-enfants. Eh oui, en France, nous avons 60 millions d'habitants et 6 millions de chômeurs. Et il y avait déjà ça en Allemagne en 1932. 6 millions de chômeurs pour environ 60 millions d'habitants. Et les gens, ben, par désespoir, par bêtise, parce qu'on les a rendus bêtes, on a fait ce qu'il fallait pour qu'ils deviennent bêtes, ben, ils ont voté pour Hitler. Alors la conséquence, ben, c'était la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire 64 millions, au moins 64 millions de morts. Hein, dont beaucoup d'Allemands, évidemment. Eh oui, ceux qui ont voté, ils ont dû dire quand même, bon sang, c'était juste un petit bout de papier que j'ai mis dans l'urne. Hein, je voulais pas faire la guerre, moi. J'ai juste voté, c'est tout. J'ai voté contre le chômage. Et voilà. Eh ben oui. Donc il faut bien réfléchir. Quand le bulletin est tombé dans l'urne, c'est trop tard. Trop tard. On peut pas le rattraper. Trop tard. Ah oui. Votre petit bulletin de vote, il peut avoir des conséquences extrêmement tragiques.